Le château intérieur ou les demeures. Écrit par Sainte Thérèse d'Avila en 1577. J.H.S. Sixième demeure. Chapitre 1er. De l'accroissement des épreuves, lorsque le Seigneur commence à accroître ses faveurs. De ces épreuves, et comment ceux qui ont atteint ces demeures les supportent. Bon chapitre pour ceux qui subissent des épreuves intérieures. markandanwordpress.com. D'après livremystique.com. Licence Creative Commons, partage à l'identique, usage non commercial. Venons-en donc, avec la faveur de l'Esprit Saint, à parler des sixièmes demeures, où l'âme, déjà blessée de l'amour de l'époux, recherche davantage la solitude, et, autant que son état le lui permet, évite tout ce qui peut l'en sortir. L'entrevue avec son époux si présente à son âme que son unique désir est d'en jouir à nouveau. J'ai déjà dit que dans cette forme de raison elle ne voit rien, ce qu'on peut appeler voir, pas même en imagination, je parle d'entrevue parce que je me suis déjà servi de cette comparaison. L'âme est désormais bien décidée à ne pas prendre d'autres époux, mais l'époux ne tient pas compte de son vif désir de célébrer immédiatement les fiançailles. Il veut qu'elle le désire encore plus vivement, et que le plus grand des biens lui coûte un peu de son bien. Elle paie ainsi d'un prix insignifiant un gain immense, mais je déclare, mes filles, que l'avant-goût qu'elle en a, le signe qu'elle a reçu, lui sont bien nécessaires pour la soutenir. Ô Dieu secourable, que d'épreuves intérieures et extérieures elle endure, jusqu'à ce qu'elle pénètre dans la septième demeure. Vraiment, je songe parfois que si on les connaissait d'avance, il serait, je le crains, extrêmement difficile de persuader notre faiblesse naturelle de les souffrir et de les vivre, si grands soient les biens qui lui sont proposés, à l'exception des âmes qui ont atteint la septième demeure, car là, il n'a rien que l'âme redoute et ne décide d'affronter, de tout son être, pour Dieu. Elle est presque toujours si étroitement unie à sa majesté, que sa force vient de là. Je crois que je ferai bien de vous décrire quelques-unes des épreuves que je suis certaine de connaître. Il se peut que toutes les âmes ne soient pas conduites par ce chemin, je doute toutefois beaucoup que celles qui jouissent parfois bien réellement des choses du ciel, soient quittes d'épreuves terrestres d'une manière ou d'une autre. Je n'avais pas l'intention d'en parler, mais j'ai pensé que ce sera une consolation pour l'âme qui les subit de savoir ce qu'il advient de celle à qui Dieu accorde de semblables faveurs, car, vraiment, alors, tout paraît perdu. Je ne les exposerai pas dans l'ordre, mais au fur et à mesure qu'elles me reviendront en mémoire. Je veux commencer par les plus petites épreuves, les cris aigris des personnes de ces relations, et même de celles avec lesquelles elle n'a point de rapport, dont jamais elle n'aurait imaginé qu'elle pourrait s'occuper d'elle, elle fait la sainte, elle exagère, pour tromper le monde et abaisser les autres, qui sont meilleurs chrétiens sans ces cérémonies. Dossier de remarquer qu'elle n'a aucune pratique particulière, elle cherche seulement à bien accomplir ses devoirs d'État, ce qu'elle croyait ses amis s'éloignent, ce sont eux qui ne font d'elle qu'une bouchée, et montre de vifs regrets, cette âme se perd, elle vit notoirement dans l'illusion, ce sont la chose. Est-ce du démon, il en sera d'elle comme de telle et telle qui se sont perdues, et qui contribuent à ruiner la vertu, elle trompe ses confesseurs. Et de s'adresser à eux, et de le leur dire, en invoquant l'exemple de ce qui est arrivé à certaines personnes, qui se sont perdues de cette façon-là, enfin, mille sortes de moqueries et de sarcasmes. J'ai connu une personne, la sainte, voir chapitre 28 de l'autobiographie, qui eut grand peur de ne plus trouver à qui confesser, au point où en étaient les choses, je ne puis m'y arrêter, il y aurait trop à dire. Le pire est que cela n'est point passager, mais dure toute une vie, ils s'avisent les uns les autres de se garder de voir des personnes semblables. Vous me direz qu'il est aussi des gens qui disent du bien d'elle. Ô mes filles, qu'ils sont rares, ceux qui ajoutent foi à ce bien, comparé au nombre de ceux qui les abominent. D'autant plus que cette épreuve-là est pire que les moqueries. L'âme voit clairement que si elle possède quelque bien, c'est un don de Dieu, il ne lui appartient nullement, elle sert naguère très pauvre, engloutie dans le péché, et c'est pour elle un tourment intolérable, du moins au début, elle en souffre moins plus tard, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'expérience lui montre clairement que les gens sont aussi promis à dire du mal qu'à dire du bien, elle ne fait donc pas plus cas de l'un que de l'autre. Deuxièmement, le Seigneur lui a fait mieux comprendre que rien de bon ne lui appartient, mais procède de sa majesté, et oubliant qu'elle y est pour quelque chose, comme s'il s'agissait d'une tierce personne, elle se tourne vers Dieu pour le louer. Troisièmement, si elle voit quelques âmes tirer avantage des faveurs que Dieu lui accorde, elle pense que, dans leur intérêt, sa majesté permet qu'on la croie bonne sans qu'il n'en soit rien. Quatrièmement, plus occupée de l'honneur et de la gloire de Dieu que de son propre renom, elle n'est plus tentée de croire, comme au début, que ses louanges ont pour but de l'abattre, comme ce fut le cas pour certaines d'entre elles, et peu lui importe qu'on la déshonore, si, en échange, Dieu est loué ne serait-ce qu'une fois et advienne que pourra. Ces raisons et autres apaisent la vive peine que lui causent ses louanges, non sans regret, toutefois, sauf si elle n'y prête aucune attention, mais l'épreuve de bénéficier sans raison de l'estime publique est incomparablement plus pénible que les sarcasmes. Quand l'âme vient à moins s'affliger des louanges, elle ressent beaucoup moins les moqueries, elle s'en réjouit plutôt, c'est pour elle une musique très douce. À la vérité, elle fortifie l'âme bien plus qu'elle ne l'effraie. Elle sait déjà d'expérience les grands avantages qu'elle trouve sur cette voie, elle ne croit même pas que ceux qui la persécutent offensent Dieu. Sa majesté les y autorise pour son plus grand bien, comme elle en est clairement persuadée, elle s'éprend pour eux d'un amour particulièrement tendre, et les tient pour ses meilleurs amis, puisqu'ils lui font gagner plus que ceux qui disent du bien d'elle. Le Seigneur envoie aussi parfois de très graves maladies. C'est là une épreuve bien pire, en particulier lorsqu'elle s'accompagne de souffrances aiguës, si les douleurs sont vives, c'est, me semble-t-il, ce que nous pouvons endurer de pire sur terre. Je précise qu'il s'agit de douleurs extérieures, mais elles pénètrent à l'intérieur quand elles le veulent, je dis bien les douleurs très vives. Cela décompose l'intérieur et l'extérieur de telle façon, que l'âme pressée ne sait que devenir, elle préférerait de beaucoup un prompt martyr à ces souffrances-là. Toutefois, lorsque leur acuité est extrême, elle ne se prolonge pas trop longtemps. Car, enfin, Dieu ne nous donne rien que nous ne puissions supporter, Sa Majesté commence par nous donner la patience, avec d'ordinaire d'autres grandes douleurs et toutes sortes de maladies. Je connais une personne, la sainte elle-même, qui depuis que le Seigneur a commencé à lui accorder la faveur dont j'ai parlé, il y a 40 ans, ne peut dire sincèrement avoir vécu un jour sans douleur, ou toute autre forme de souffrance, par manque de santé corporelle, dis-je, sans parler d'autres pénibles épreuves. Il est vrai qu'elle avait été bien vile, et ce qu'elle subissait était peu de choses, puisqu'elle méritait l'enfer. Notre Seigneur doit en user autrement, avec celles qui ne l'ont pas offensé, mais je choisirai quant à moi la souffrance, ne serait-ce que pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Même s'il n'y avait pas d'autres avantages, or, ils sont toujours très nombreux. Oh! Que dire alors des souffrances intérieures? S'il était possible de les décrire, les souffrances extérieures sembleraient infimes, mais elles sont incommunicables. Commençons par le tourment de tomber sur un confesseur si raisonnable, et si peu expérimenté qu'il n'ait chose qui ne lui semble dangereuse, il a peur de tout. Il doute de tout, lorsque ce qu'il voit sort de l'ordinaire. En particulier, s'il remarque quelque imperfection dans l'âme à qui ces choses arrivent, alors qu'il lui semble que Dieu ne doit accorder ses faveurs qu'à des anges, ce qui est impossible tant qu'elle habite ce corps, immédiatement, il condamne tout, c'est le démon ou la mélancolie. Cette maladie pullule en ce monde à tel point que cela ne m'étonne point. Elle est si fréquente, le démon, par ce moyen, fait tant de dégâts, que les confesseurs ont de fortes raisons de la craindre, et bien regarder de très près. Mais la pauvre âme qui vit elle-même dans cette crainte, s'adresse au confesseur comme à un juge, si la condamne elle ne peut éprouver qu'un trouble si profond et de si grand tourment, que seuls ceux qui sont passés par là, comprendront quelle rude épreuve elle endure. Voilà encore une des grandes épreuves que subiront ces âmes, spécialement si elles ont été coupables, songez que Dieu permet qu'elles soient induites en erreur, en punition de leurs péchés, même lorsque ses majestés leur accordent une faveur, elles ne peuvent croire qu'il s'agisse d'un autre esprit, mais de Dieu, elles en sont certaines, toutefois, comme cela passe vite et que le souvenir de leurs péchés est toujours présent, elles voient leur faute. Il y en a toujours, et ce tourment s'ensuit. Quand le confesseur les rassure, elles s'apaisent, mais momentanément, s'il enchérit sur les craintes, c'est chose presque intolérable, en particulier quand s'ensuit une période de sécheresse où elles imaginent qu'elles n'ont jamais pensé à Dieu, que jamais elles n'y pensent, et elles entendent parler de sa majesté, comme d'une personne qu'elles ne connaissent que de loin. Tout cela n'est rien, s'il ne s'y ajoute l'idée qu'elles ne savent pas informer leur confesseur, et qu'elles les trompent elles en beau, et réfléchir et voir qu'il n'est promis mouvement qu'elles ne lui avouent, tout est inutile, leur entendement obscurci est incapable de voir la vérité, il ne croit que ce que l'imagination lui suggère, elle est alors souveraine, et toutes les folies que le démon veut leur suggérer. Avec, semble-t-il, l'autorisation de notre Seigneur qui lui permet de les éprouver, et même de leur faire croire qu'elles sont réprouvées de Dieu. Car tant de choses combattent cette âme, elles l'oppressent intérieurement d'une façon si sensible, si intolérable, que l'on ne pourrait comparer ses souffrances à rien d'autre qu'à celles de l'enfer, et il n'y a aucune consolation dans cette tempête. Si elle veut en trouver auprès de son confesseur, les démons, lui semble-t-il, l'ont persuadée de la tourmenter plus encore. L'un d'eux, qui dirigeait une âme dont l'angoisse lui semblait d'autant paix, lui dangereuse qu'elle était faite de l'accumulation de choses multiples, lui demanda, la crise passée, de le prévenir lorsqu'elle se sentirait à nouveau menacée. Comme son état empirait toujours, il finit par comprendre qu'il ne lui appartenait pas de se dominer. Lorsque cette personne, qui savait bien lire, prenait un livre en castillan, il lui arrivait de n'y rien comprendre, comme si elle eût ignoré le béabéa, son entendement en était incapable. Enfin, il n'est sauvegardé au milieu de cette tempête, sauf d'attendre la miséricorde de Dieu, qui au moment le plus inattendu, par un seul mot, ou au hasard d'un événement, dissipe tout si promptement qu'il semble n'y avoir jamais eu de nuage en cette âme qui se retrouve ensoleillée et plus consolée que jamais. Et comme ce que la victoire a soustrait au danger d'une bataille, elle rend grâce à notre Seigneur qui a combattu et vaincu, elle voit clairement qu'elle n'a pas combattu elle-même, elle croit voir aux mains de ses ennemis les armes avec lesquelles elle aurait pu se défendre, elle perçoit donc clairement sa misère, et le peu que nous pouvons faire, nous-mêmes si le Seigneur nous abandonne. On pourrait croire qu'elle n'a plus besoin de ses considérations pour le comprendre. Elle est passée par là, l'expérience lui a montré sa totale impuissance, elle a compris notre néant et la misérable chose que nous sommes, mais la grâce dont elle n'est probablement pas privée, puisqu'elle n'offense pas Dieu dans ses orages, et qu'elle ne l'offenserait pour rien au monde, est si cachée, qu'elle ne perçoit pas la plus petite étincelle d'amour de Dieu en elle, et qu'elle n'imagine pas l'avoir jamais aimé, le bien qu'elle a pu faire. Une faveur que sa majesté a pu lui accorder, tout lui semble songe, ou imagination, mais elle est certaine des péchés qu'elle a commis. Ô Jésus, quelle vision que celle d'une âme ainsi délaissée, pour qui, comme je l'ai dit, toute consolation terrestre est si peu de chose. Ne pensez donc point, mes sœurs, s'il vous arrive de vous trouver dans cet état, que les riches, et ceux qui sont libres doivent y remédier mieux que vous. Non, non, je crois, quant à moi, qu'il n'en est de comme de condamner à mort à qui on offrirait tout ce qu'il y a de délicieux au monde, cela ne les soulage point, et tendrait plutôt à accroître leur tourment. Il vient d'en haut, et les choses de la terre sont impuissantes. Ce grand Dieu veut que nous voyons en lui le roi, et en nous notre misère. C'est très important pour ce qui va suivre. Que fera donc cette pauvre âme, quand elle passera de longs jours dans cet état? Si elle prie, c'est comme si elle ne priait point. Quant à la consolation, je le précise, toute consolation extérieure est exclue, elle ne comprend pas le sens de sa prière, rien qu'une prière vocale, puisque ce n'est absolument pas le moment de la prière mentale, les puissances en sont incapables, la solitude accroît plutôt son mal, d'où un autre tourment, celui de vivre en compagnie, et qu'on lui parle. Ainsi, malgré ses efforts, elle extériorise son dégoût, sa mauvaise humeur, très ostensiblement. Saura-t-elle vraiment dire ce qu'elle a? C'est indicible, il s'agit d'oppression et de peine spirituelle, auxquelles on ne saurait donner un nom. Le meilleur remède, je ne dis pas pour guérir, car je n'en trouve pas, mais pour supporter ce mal, c'est de s'occuper à des œuvres de charité extérieure, et d'espérer en la miséricorde de Dieu, qui ne fait jamais défaut à ceux qui espèrent en lui. Qu'il soit béni à jamais. Amen. D'autres épreuves que nous infligent les démons sont extérieures, et doivent être moins fréquentes, il n'y a donc pas lieu d'en parler, elles sont d'ailleurs beaucoup moins pénibles, les démons, pour beaucoup qu'ils fassent, n'arrivent pas ainsi à inhiber les puissances, ce me semble, ni à troubler l'âme de cette manière. Enfin, il reste assez de raisons pour penser qu'ils ne peuvent outrepasser ce que le Seigneur leur permet. Et quand on n'a pas perdu la raison, tout ce qu'on endure n'est pas grand-chose, comparé à ce que je viens de dire. Nous parlerons d'autres peines intérieures de ces demeures en traitant des différences qu'il y a dans l'oraison et dans les faveurs du Seigneur. Bien que certaines de ces souffrances soient encore plus cruelles que ces dernières, comme on le verra par l'état où elles laissent le corps, elles ne méritent pas le nom d'épreuves, nous aurions tort de le leur donner, tant ces faveurs du Seigneur sont grandes, l'âme qui les reçoit le comprend, et conçoit qu'elles sont disproportionnées à ses mérites. Cette grande peine précède l'entrée dans la septième demeure, avec beaucoup d'autres, je parlerai de quelques-unes. Il serait impossible de toutes les décrire ni même de les définir, car elles sont d'une toute autre lignée que les précédentes et beaucoup plus élevées, et si je n'ai pu exposer mieux que je ne l'ai fait celles qui sont de plus basse catégorie, je pourrais d'autant moins expliquer celles-là. Plaise au Seigneur de me donner sa faveur en toutes choses, par les mérites de son Fils. Amen. Chapitre 2. De certains dont use le Seigneur pour réveiller les ânes, il semble qu'on n'ait rien à redouter, bien que ce soit chose très élevée, et que ses faveurs soient grandes. Nous avons, semble-t-il, bien délaissé le petit papillon, mais il n'en est rien, car ses épreuves tendent à le faire voler plus haut. Commençons donc maintenant à traiter de la façon dont l'époux se comporte à son égard, voyons comment, avant de s'unir tout à fait à l'âme, il le lui fait bien délirer, par des moyens si délicats, qu'ils lui sont imperceptibles, et que je me crois incapable d'en parler de manière à me faire comprendre sauf de celles qui sont passées par là, venues du plus profond de l'âme, ce sont des impulsions si délicates, si subtiles, que je ne puis trouver de comparaison satisfaisante. C'est fort différent de tout ce que nous pouvons obtenir ici-bas, et même des joies intérieures dont il a été parlé, car fréquemment, lorsque la personne est distraite, sans même qu'elle songe à Dieu, il arrive que Sa Majesté l'éveille, brusquement, comme passe une étoile filante, ou comme éclate un coup de tonnerre, mais elle n'entend aucun bruit, l'âme comprend toutefois fort bien que Dieu l'a appelée. Elle le comprend même si bien que parfois, surtout au début, elle frémit et gémit, quoique rien lui fasse mal. Elle ressent les effets d'une blessure infiniment savoureuse, sans déceler toutefois comment elle fut blessée, ni par qui, Elle reconnaît bien que c'est chose précieuse, et voudrait ne jamais guérir de cette blessure. Elle se plaint à son époux, parfois même à voix haute, avec des mots d'amour qu'elle ne peut retenir. Elle comprend qu'il est présent, mais qu'il ne veut pas se manifester, ni lui permettre de jouir de sa compagnie. C'est une peine bien grande, mais savoureuse et douce, l'âme ne peut refuser à la ressentir, jamais même elle n'y consentirait. Elle y puise de bien plus grandes satisfactions, que dans le savoureux anéantissement, libre de toute peine, qu'elle aurait raison de quiétude. Je me morfonds du désir de vous faire comprendre, mes sœurs, cette opération, et ne sais comment m'exprimer. Il semble contradictoire de dire que l'aimé fait clairement comprendre qu'il est avec l'âme, et qu'il semble en même temps l'appeler par un signe si réel qu'elle ne peut en douter, un sifflement si pénétrant, si audible, que cette âme ne peut manquer de l'entendre, car il paraît évident que lorsque l'époux qui est dans la septième demeure parle ainsi, sans toutefois qu'il s'agisse de paroles formulées, les gens qui se trouvent dans les autres demeurent n'osent bouger, ni les sens, ni l'imagination, ni les puissances. Ô mon Dieu Tout-Puissant, que vos secrets sont grands, et que les choses de l'esprit diffèrent de tout ce qu'on peut voir et entendre ici-bas, puisqu'il n'y a aucun moyen d'expliquer cette faveur, pourtant si petite, quand on la compare à tout ce que vous opérez de si grand dans les âmes. Son action sur l'âme est si forte, qu'elle s'anéantit de désir et ne sait que demander, car il croit percevoir clairement que son Dieu est avec elle. Vous allez me dire, comprenant cela, que peut-elle désirer, qu'est-ce qui peut la peiner? Quel plus grand bien veut-elle? Je ne le sais, je sais que cette peine semble l'atteindre aux entrailles, et que lorsque celui qui la blesse arrache la flèche, il semble vraiment les lui arracher aussi, si vif est l'amoureux regret qu'elle éprouve. Je me demande si on ne pourrait pas dire que de ce brasier ardent, qui est mon Dieu, une étincelle jaillit, touche l'âme, et lui transmet sa flamme ardente, c'est insuffisant pour la brûler, mais si délectable qu'elle reste tout en peine, et il a suffi d'un contact pour susciter cet effet, telle est, me semble-t-il, la meilleure comparaison que j'ai trouvée. Car cette douleur savoureuse, qui n'est pas une douleur, ne dure pas. S'il lui arrive de persister un long moment, elle peut aussi disparaître au plus vite, selon ce que le Seigneur veut lui communiquer, car nul moyen humain ne peut l'obtenir. Aussi, bien qu'elle dure parfois un moment, elle disparaît et revient, enfin, elle n'est jamais permanente, c'est pourquoi elle n'embrasse pas l'âme tout entière, à peine l'étincelle va-t-elle l'enflammer qu'elle s'éteint. Mais l'âme garde le désir de souffrir à nouveau l'amoureuse douleur qu'elle lui a causée. Il n'y a pas lieu de demander ici, si cela provient de notre nature, si la cause en est la mélancolie, ou les tromperies du démon, ou nos imaginations. On perçoit fort bien que ce mouvement provient du lieu même où se tient le Seigneur, qui est immuable. Ces opérations ne ressemblent pas à d'autres dévotions, où la torpeur des plaisirs spirituels peut susciter le doute. Ici, ni les sens ni les puissances ne sont dans la torpeur, ils considèrent et s'interrogent, impuissants à s'opposer à cette peine délectable comme à la croître, incapables d'y échapper, me semble-t-il. Que celui à qui notre Seigneur accorderait cette faveur, il la reconnaîtra lorsqu'il lira ceci, lui rende grâce ardemment, car il n'a pas à craindre d'être abusé, qu'il ait grand peur de répondre par de l'ingratitude à une si haute faveur, qui tâche de servir et demander sa vie en toute chose. Il verra ce qui s'ensuit, il recevra de plus en plus. Une personne à qui échut cette faveur vécut ainsi plusieurs années, si satisfaite, que, si elle avait dû servir le Seigneur au milieu de grandes épreuves pendant des années infinies, elle se fût jugée bien récompensée. Qu'il soit béni à jamais. Amen. Il se peut que vous objectiez, pourquoi y a-t-il plus de sécurité dans ces choses-là que dans d'autres? À mon avis, pour plusieurs raisons. Premièrement, jamais le démon ne donne une peine aussi savoureuse que celle-là. Peut-être pourrait-il donner une saveur, des délices, qui semblent spirituels, mais joindre à la peine, et à une si grande peine, l'inquiétude et le plaisir de l'âme, n'est pas de son ressort, tous ses pouvoirs sont extérieurs, et ses peines, quand il en inflige, ne sont, à ce qu'il me semble, jamais savoureuses, ni accompagnées de paix, elles inquiètent et suscitent la guerre. Deuxièmement, parce que cette savoureuse tempête, provient d'une région sur laquelle il ne peut exercer son empire. Troisièmement, du fait des grands bienfaits que cette faveur communique à l'âme, ce sont, à l'ordinaire, le désir de subir de nombreuses épreuves, la détermination accrue de s'éloigner des contentements et conversations de la terre, et autre chose semblable. Il est très clair qu'il ne s'agit pas d'imagination, car si l'âme recherchait cette faveur, elle ne pourrait la contrefaire. Ces choses si frappantes qu'on ne peut s'en faire aucune idée, je précise, croire qu'on l'a quand on ne l'a point, ni en douter quand on la reçoit, au cas où quelque doute subsisterait, que l'âme sache alors qu'il ne s'agit pas véritablement de ces élans dont j'ai parlé, je précise, au cas où elle se demanderait si elle les a éprouvés ou non, que l'âme les perçoit aussi clairement que l'oreille entend un grand cri. Quant à la mélancolie, s'en est fort éloigné, la mélancolie ne fait et fabrique ses idées que dans l'imagination, ce dont nous parlons provient de l'intérieur de l'âme. Il se peut que je me trompe, mais tant que je n'entendrai pas quelqu'un qui connaisse cet état, me donner d'autres explications, mon opinion ne variera point, une personne que je connais redoutait fort des illusions, mais jamais elle n'a pu douter de cette forme de raison. Notre Seigneur a aussi d'autres façons d'éveiller l'âme, au moment le plus inattendu, alors compris vocalement, distrait de toute chose intérieure, une flambée délicieuse vous saisit, comme si un fort parfum se communiquait soudain à tous les sens, je ne dis pas que ce soit un parfum, ce n'est qu'une comparaison, ou quelque chose de cette sorte, qui fait sentir que les poux est présent, l'âme s'émeut du désir. Savoureux de jouir de lui, elle se trouve disposée à accomplir de grandes actions et à louer notre Seigneur. Cette faveur naît de ce que je viens d'évoquer, mais ici rien ne fait de la peine, le désir même de jouir de Dieu n'est pas pénible, voilà ce que l'âme éprouve d'ordinaire. Ici non plus, il n'y a rien à redouter, ce me semble, pour quelques-unes des raisons que j'ai dites. Mais tâchez de recevoir cette faveur avec les actions de grâce. Chapitre 3. Suite du même sujet. Comment Dieu parle à l'âme quand il le veut, ce qu'il faut faire en cette circonstance, et ne pas suivre son propre sentiment. À quel signe l'âme peut constater que ce n'est pas un leurre, et qu'en s'en est un. Chapitre fort utile. Dieu a une autre manière d'éveiller l'âme. Bien que sous certains aspects cette faveur-ci paraisse supérieure aux précédentes, elle peut être plus dangereuse, c'est pourquoi je m'y arrêterai un peu. Il s'agit de paroles adressées à l'âme, de diverses façons, certaines semblent venir de l'extérieur, d'autres du plus profond du plus haut de l'âme, d'autres viennent de l'extérieur, et elles sont si nettes que l'ouïe les distingue. Quelquefois, souvent même, ce peut être une idée qu'on se fait, en particulier chez les personnes de faible imagination, ou mélancoliques, je précise, celles dont la mélancolie est notoire. À mon avis, il ne faut pas faire crédit à ces deux sortes de personnes, même quand elles disent qu'elles voient et qu'elles entendent, ni les inquiéter en leur disant qu'il s'agit du démon, mais les écouter comme des malades, que la prieure ou le confesseur à qui elles s'en ouvriraient leur dise de ne pas en faire cas, que tel n'est pas le moyen substantiel de servir Dieu, que le démon a trompé nombre de gens par ce moyen. Bien que ce ne soit peut-être pas leur cas, cela afin de ne pas ajouter à l'affliction où déjà leur humeur les incline. Si on leur dit que c'est l'effet de la mélancolie, on n'en finira plus, elles jureront qu'elles voient et entendent, car elles ont cette impression. Il est vrai qu'il faut avoir le soin de les priver de leur raison, et obtenir autant que possible, qu'elles ne tiennent aucun compte de tout cela, le démon utilise parfois ses âmes malades, il ne leur nuit pas, à elles, Mais à d'autres, malades et bien portants doivent toujours redouter ces choses-là jusqu'à ce qu'on en connaisse l'esprit. Je dis donc qu'il est préférable de les vaincre au début, car si elles viennent de Dieu, elles n'en progresseront que mieux, l'épreuve les renforce. Il en est ainsi, mais qu'on ne cherche pas à beaucoup opprimer l'âme, ni à l'inquiéter, car, vraiment, elle n'en peut mais. Revenons, donc, à mon premier sujet, celui des paroles dites à l'âme, quelle que soit la façon dont elles se présentent, elles peuvent venir de Dieu, mais aussi du démon de notre propre imagination. Je dirai, si cela m'est possible avec la faveur de Dieu, à quel signe on les distingue, et dans quelles circonstances ces paroles sont dangereuses. Car parmi les gens de raison, nombreuses sont les âmes qui en entendent, et je voudrais, mes sœurs, que vous ne pensiez mal faire ni en ne leur accordant aucun crédit, ni en leur en accordant, quand elles ne concernent que vous, soit qu'elles vous flattent, soit qu'elles vous éclairent sur vos fautes, peu importe celui qui les dit, et même si c'est une idée que vous vous faites, cela ne va pas loin. Je vous avertis de ceci, même si elles proviennent de Dieu, ne vous croyez pas meilleur de ce fait. Il a beaucoup parlé aux pharisiens, et tout dépend du profit qu'on tient de ses paroles, ne faites pas plus cas de celles qui ne seraient pas très exactement conformes. Mais aux Écritures que si vous les teniez du démon en personne, car même si elles sont nées de votre faible imagination, il faut les considérer comme une tentation contre les choses de la foi, donc toujours y résister, afin de les écarter, et elles s'écarteront, car elles n'ont pas une grande force. Pour en revenir à ce que je disais au début, soit que les paroles viennent de l'intérieur ou de la partie supérieure de l'âme, soit qu'elles viennent de l'extérieur, cela ne signifie pas qu'elles ne viennent pas de Dieu. Les marques les plus certaines qu'on puisse en avoir sont les suivantes. La première, et la plus sûre, c'est la puissance et l'empire qu'elles exercent, ces paroles sont des actes. Je m'explique, l'âme se trouve au milieu des tribulations, et de l'agitation intérieure déjà décrite, dans l'obscurité de l'entendement et la sécheresse, il lui suffit d'entendre un mot, rien que n'ait pas de peine, pour s'apaiser, libre de tout chagrin, dans une grande lumière, cette peine s'évanouit, alors qu'il lui semblait que si le monde entier, et les hommes d'Oc tous ensemble lui avaient donné des raisons de s'en délivrer. Leurs efforts ne seraient pas parvenus à soulager son affliction. Elle est affligée, pleine de crainte parce que son confesseur, et d'autres personnes avec lui, lui ont dit « Son esprit provient du démon, mais il suffit qu'on lui dise la parole, c'est moi, n'aie pas peur, pour que tout se dissipe, elle est parfaitement consolée, persuadée que personne ne pourrait lui faire croire qu'il en est autrement. » De même lorsqu'elle est fort en peine d'affaires graves, dont elle ignore ce qu'il en adviendra, elle entend qu'elle doit se calmer, que tout réussira. Elle se retrouve dans la certitude, sans nulle peine. Et il en est ainsi de beaucoup d'autres choses, voir Autobiographie, chapitre 25. Second signe, l'âme se retrouve dans une grande quiétude, dans un recueillement fervent et apaisé, prête à louer Dieu. Ô Seigneur, si le mot que vous nous faites dire par l'un de vos pages, puisqu'à ce qu'on dit, du moins nous n'en cette demeure, ce n'est pas le Seigneur lui-même qui parle, mais un ange, a un tel pouvoir, qu'en sera-t-il pour l'amener d'amour avec vous, et vous avec elle? Troisième signe, ces paroles ne s'effacent pas de la mémoire avant fort longtemps, et certaines ne s'effacent jamais, alors que nous oublions celles que nous entendons ici-bas, je précise, celles que les hommes nous ont dites, pour graver d'autres qu'ils soient. Leurs paroles ne se gravent pas aussi profondément dans la mémoire, et s'il s'agit de choses futures, nous n'y ajoutons pas la même foi, mais la parole de Dieu nous insuffle une immense certitude, et même lorsqu'il s'agit de choses qui semblent si impossibles que l'âme ne peut s'empêcher d'en douter, de se demander si elles se réaliseront oui ou non, l'entendement hésite un peu, mais l'âme elle-même est pleine d'une certitude invincible. Même si tout semble contredire ce qu'elle a entendu, Les années passent, rien ne peut l'empêcher de penser que Dieu usera de moyens incompréhensibles aux hommes. Mais que cela s'accomplira enfin, et cela s'accomplit. Pourtant, comme je l'ai dit, elle n'en souffre pas moins lorsqu'elle voit de nombreux obstacles. Est-ce, ce qu'elle a entendu est loin dans le temps, l'action de Dieu, la certitude qu'elle eut sur le moment que cela venait de lui, se sont émoussées, les doutes apparaissent, elle se demande si ce ne fut pas le démon, ou son imagination. Mais sur le moment elle n'a aucun doute, mais elle mourrait pour cette vérité. Toutefois, comme je le dis, que ne fera le démon à l'aide de ses imaginations qu'il suggère pour affliger et effrayer l'âme? En particulier s'il s'agit d'une affaire, dont on présume qu'elle sera pour le grand bien des âmes, une œuvre pour l'honneur de Dieu, pour son service et qui présente de sérieuses difficultés. Le moins qu'il fasse c'est d'affaiblir la foi, et il est fort nuisible de ne pas croire Dieu assez puissant pour accomplir des œuvres que notre entendement n'entend pas. Au milieu de tous ces combats, malgré tant de gens qui disent à cette personne, elle-même que c'est de l'absurdité, c'est-à-dire les confesseurs avec qui elle traite de ces choses, malgré tous les revers qui devraient lui faire admettre que ses prédictions sont irréalisables, il lui reste je ne sais où une étincelle d'espérance, si vive que même si tous les autres espoirs étaient morts. Il lui serait impossible, le voudrait-elle, d'admettre que cette certitude n'est pas vivante. Et enfin, comme je l'ai dit, la parole du Seigneur s'accomplit, la satisfaction et l'allégresse de l'âme, sont telles qu'elle ne cesse de louer sa majesté d'avoir vu s'accomplir ce qu'elle lui avait promis, plus encore que de l'œuvre elle-même, bien qu'elle soit d'une grande importance pour elle. Je ne sais à quoi tient le prix que l'âme accorde à la vérité de ses paroles, elle regretterait moins d'être prise en flagrant délit de mensonge, comme si elle y pouvait quelque chose, alors qu'elle ne répète que ce qui lui est dit. Certaines personnes, à ce sujet, évoquaient souvent Jonas, prophète, qui craignait que Ninive ne soit pas détruite. Enfin, puisque l'Esprit est de Dieu, il est juste de désirer fidèlement qu'on ne lui attribue aucune fausseté, à lui qui est la suprême vérité. L'allégresse est donc vive quand, après mille traverses, elle voit s'accomplir des choses d'une extrême difficulté, même si de grandes épreuves doivent s'en suivre pour cette personne, elle préfère de beaucoup les subir, plutôt que d'admettre que ce que le Seigneur lui a dit, et qu'elle croit vrai, puisse ne pas s'accomplir. Tout le monde n'a peut-être pas cette faiblesse, si c'en est une, car je ne puis y voir du mal et la condamner. Si les paroles entendues naissent de l'imagination, on ne remarque aucun de ces signes, ni certitude, ni paix, ni joie intérieure, il pourrait advenir, et je connais quelques personnes dans ce cas, qui étant fort absorbées dans l'oraison de quiétude et le sommeil spirituel, celles qui sont faibles de complexion, ou d'imagination, ou pour je ne sais quelle cause, sont vraiment si hors d'elles, dans ce grand recueillement. Qu'elles perdent tout contrôle extérieur, tous les sens sont endormis, comme chez une personne qui dort, et peut-être même sont-elles ainsi, somnolentes, elles croient entendre parler comme en songe, elles croient même voir des choses, et elles pensent que cela vient de Dieu, et elles en négligent les effets. Enfin, comme s'il s'agissait d'un songe. Il peut se faire aussi qu'alors, qu'elles demandent quelque chose à notre Seigneur affectueusement, elles croient qu'on leur répond ce qu'elles voulaient, cela se produit quelquefois. Quiconque aurait la grande expérience des paroles de Dieu ne pourrait, ce me semble, s'y tromper, cela provient de l'imagination. Le démon est plus redoutable. Mais les signes exposés peuvent assurer qu'il s'agit de Dieu. Toutefois, si la chose qu'on vous dit est grave, et que vous deviez vous-même vous mettre à l'œuvre, ou si les affaires d'une autre personne sont en cause, ne faites jamais rien sans l'avis d'un confesseur avisé, docte, et serviteur de Dieu. Cela ne doit pas vous effleurer l'esprit, même si de mieux en mieux informé, il vous paraît clair que cela vient de Dieu, car c'est ce que veut sa majesté. Ainsi, Vous ne vous refuserez pas à faire ce que Dieu ordonne, puisqu'il nous a dit de considérer le confesseur comme son représentant, et là on ne peut douter que ce soit ses paroles, elles fortifieront notre courage. Si l'affaire est difficile, notre Seigneur en donnera au confesseur, il lui fera admettre quand il le voudra que c'est son esprit, sinon, nous ne sommes obligés à rien. Agir autrement, suivre moindrement notre propre sentiment, j'estime cela très dangereux, je vous adjure donc, mes sœurs, au nom du Seigneur, que cela ne vous arrive jamais. Le Seigneur parle encore à l'âme d'une autre façon, que j'estime pour ma part fort vraie, dans certaines visions intellectuelles que je décrirai plus loin. C'est aussi intime de l'âme, on croit si clairement entendre ces paroles du Seigneur, lui-même avec l'ouïe de l'âme, et si secrètement, que les effets même de la vision rassurent, et assurent que le démon ne peut intervenir ici. Les grands effets qui s'ensuivent permettent de le croire, du moins est-il certain que cela ne procède pas de l'imagination, et puis, tout bien considère, l'âme peut toujours avoir cette certitude, pour plusieurs raisons. La première, la clarté des paroles est bien différente, elles sont si claires que s'il manquait une syllabe dans ce que l'âme a entendu, elle s'en souviendrait, et avec quel ton se fût dit, même si la phrase était longue, l'élocution ne serait pas aussi claire, ni les paroles aussi distinctes, si cela venait de l'imagination, mais comme entendu dans une sorte de rêve. La seconde, souvent, on était bien éloigné de penser à ce qu'on a entendu, c'est survenu à l'improviste, et même au milieu d'une conversation, toutefois, c'est souvent la réponse à une idée qui traverse soudain notre pensée, ou à laquelle on a pensé naguère, mais souvent aussi il s'agit de choses dont on ne se rappelle point qu'elles devaient être ni qu'elles seraient. L'imagination ne peut donc pas les avoir fabriquées pour que l'âme commette l'erreur de s'engouer de ce qu'elle n'a pas désiré, ni voulu, ni connu. La troisième, lorsqu'il s'agit de Dieu, on est comme quelqu'un qui entend, et lorsqu'il s'agit de l'imagination, comme quelqu'un qui compose peu à peu ce qu'il veut lui-même qu'on lui dise. La quatrième, les paroles sont fort différentes dans les deux cas. Une seule suffit à faire comprendre beaucoup de choses que notre entendement ne pourrait composer si rapidement. La cinquième, ces paroles, souvent, par des moyens que je ne saurais expliquer, font comprendre beaucoup plus de choses que ne l'implique leur sens exact. Je m'étendrai ailleurs sur cette manière de comprendre ces choses très délicates et qui incitent à louer notre Seigneur. Cette manière-là, ces différences ont troublé certaines personnes, en particulier l'une d'elles qui en est l'expérience, et il doit y en avoir d'autres, elles ne parviennent pas à se ressaisir, je sais que celle dont je parle, a considéré attentivement cette situation, car le Seigneur lui fait très souvent cette faveur, au début, elle se demandait si elle n'imaginait pas tout cela. Et elle doutait. Car on a plus vite fait de déceler l'action du démon. Malgré ces Russes qui savent bien contrefaire l'esprit de lumière, il dit très clairement les paroles, ce me semble, on ne peut douter de les avoir entendues, tout comme lorsque c'est l'esprit de vérité qui intervient, mais il ne peut contrefaire les effets que j'ai cités, ni laisser l'accent circonflexe. Mais dans une telle paix, dans une telle lumière, il sème l'inquiétude et l'agitation. Il ne peut guère nuire et ne fait même aucun mal si l'âme est humble et si, comme je l'ai dit, elle ne fait pas un geste pour rien exécuter, quoi qu'elle ait entendu. Si elle reçoit des faveurs et des régals du Seigneur, qu'elle observe attentivement si, de ce fait, elle se sent meilleure, si elle n'est pas d'autant plus confuse que la parole est plus flatteuse, il lui faut croire qu'il ne s'agit pas de l'Esprit de Dieu. Lorsque c'est lui, il est très certain que plus la faveur est grande, plus l'âme se méprise, plus elle se rappelle ses péchés, plus elle oublie ses progrès, plus elle applique sa volonté et sa mémoire à ne vouloir que l'honneur de Dieu, sans songer à son profit personnel, plus elle redoute de se détourner moindrement de sa volonté, et plus elle est sûre de n'avoir jamais mérité ses faveurs, mais l'enfer. Si toutes les choses et les grâces qu'elle reçoit dans l'oraison produisent ces effets, que l'âme ne s'effraie point, qu'elle ait confiance en la miséricorde du Seigneur, il est fidèle, et il ne permettra pas aux démons de la tromper, bien qu'il soit toujours séant de garder des craintes. Il est possible que celle que le Seigneur ne conduit pas par cette voie imagine, que ses âmes pourraient ne pas écouter ces paroles qui leur sont dites, et si les paroles sont intérieures, s'en distraire de manière à ne pas les entendre, dans l'espoir d'éviter ces dangers. Je réponds à cela que c'est impossible. Je ne parle pas des paroles que nous imaginons, le remède est alors de moins désirer certaines choses, et de refuser de tenir compte des idées que nous nous faisons. C'est inutile dans ce cas-ci, car l'esprit qui parle immobilise lui-même toutes les autres pensées, il oblige à prêter attention à ce qu'il dit, il serait plus facile à une personne qui entend fort bien de ne pas comprendre ce que dit quelqu'un qui parlerait à grands cris, elle pourrait ne pas y prendre garde, fixer sa pensée et son entendement sur autre chose, mais dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas faisable. Elle n'a pas d'oreille à boucher, ni de force pour penser, sauf à ce qu'on lui dit, et sous aucun prétexte, car celui qui à la demande de Josué, je crois que c'est à lui, immobilisa le soleil, peut immobiliser les puissances, et toutes nos facultés intérieures, et l'âme voit bien qu'un seigneur plus grand qu'elle gouverne son château, et elle lui manifeste sa fort grande dévotion et son humilité. Il n'y a donc aucun moyen de l'éviter. Plaise à la Divine Majesté de nous donner le moyen de ne chercher qu'à la contenter, dans l'oubli de nous-mêmes, comme je l'ai dit. Amen. Plaise à elle que je sois parvenu à faire comprendre ce que je souhaitais, et que cet avis soit utile aux âmes à qui cela arriverait. Chapitre 4. De l'état d'oraison, Dieu suspend l'âme dans le ravissement, ou l'extase, ou le rapte, qui sont, à son avis, une seule et même chose. Du grand courage qui lui est nécessaire pour recevoir de hautes faveurs de sa majesté. Au milieu des choses que j'évoque, épreuves et autres, comment le pauvre petit papillon pourrait-il rester en repos? Tout l'incite à désirer plus vivement jouir de l'époux, et sa majesté, qui connaît notre faiblesse, use de tout cela pour disposer son courage à s'unir à un si grand seigneur, et à le prendre pour époux. Vous allez rire de ce que je dis, et estimer que c'est folie, n'importe laquelle d'entre vous jugera que ça n'est pas nécessaire, et qu'il n'est femme de basse origine, qui n'ait le courage d'épouser le roi. Je suis de cet avis quant au roi de la terre, mais quant au roi du ciel, il en faut, je le répète, plus que vous ne le pensez, car notre nature est bien timide et basse devant quelque chose d'aussi grand. Et je tiens pour certain que si Dieu n'y pourvoyait, malgré tout ce que vous voyez, ou tous les avantages qui s'en suivent, ce serait impossible. Vous allez donc voir ce que fait Sa Majesté pour conclure ses fiançailles, et j'entends que c'est dans ce but qu'elle donne des ravissements qui font perdre le sens, car sans être hors de sens, si l'âme se voyait si proche de cette haute majesté, il lui serait d'aventure impossible de continuer à vivre. Cela s'entend des vrais ravissements, et non de ces faiblesses de femme, comme nous en avons par ici, où tout nous semble ravissement et extase. Comme je crois, ici l'avoir bien dit, il est des natures si faibles, qu'elles se meurent d'une heure de raison. Je veux exposer ici plusieurs des formes de ravissement dont j'ai été informé, j'ai eu des rapports avec tant de personnes spirituelles, sans être toutefois certaine d'y réussir. Comme ce fut le cas lorsque j'ai écrit ailleurs sur ce sujet, Autobiographie, chapitre 20, et pour certaines des choses dont je parle ici, pour diverses raisons, il semble n'y avoir aucun inconvénient à en reparler, ne serait-ce que pour qu'on trouve ici, ensemble, toutes les demeures. Dans l'une de ces formes de ravissement, lorsque l'âme qui n'est peut-être pas en oraison, est touchée par une parole de Dieu, qu'elle se rappelle ou qu'elle entend, il semble que Sa Majesté, de l'intérieur de l'âme, exalte l'étincelle que nous avons évoquée, émue de pitié d'avoir vu cette âme souffrir si longtemps de désir, alors, embrasée tout entière comme oiseau phénix, elle est renouvelée, et on peut croire pieusement que ses fautes lui sont pardonnées, cela s'entend dans les dispositions voulues, et avec les moyens apportés de cette âme, que l'Église enseigne ainsi purifiée, le Seigneur l'unit à lui, sans que personne ne s'en avise, sauf d'eux, l'âme elle-même ne s'en avise point de manière à pouvoir en parler par la suite, bien qu'elle n'ait pas intérieurement perdu le sens, cela ne saurait se comparer à un évanouissement, ni à une syncope, où tout sentiment intérieur ou extérieur est aboli. Il m'apparaît que dans ces cas, l'âme est plus éveillée que jamais aux choses de Dieu, plus éclairée dans la connaissance de sa majesté. Cela peut sembler impossible, alors que les puissances et les sens sont si absorbés qu'on peut les dire morts. Comment peut-on entendre qu'ils comprennent ce secret? Nul n'en sait rien, ni moi, ni peut-être aucune créature, le Créateur seul le sait, ainsi que bien d'autres choses qui se manifestent dans cet état, c'est-à-dire dans ces deux demeures, car on pourrait bien parler conjointement de ces deux demeures, il n'y a pas entre l'une et l'autre de porte fermée. Mais puisqu'il se passe dans la dernière des choses, qui ne se sont pas manifestées à ceux qui n'y sont pas encore parvenus, j'ai préféré les séparer. Lorsque le Seigneur juge bon de communiquer à l'âme ravie certains secrets, ou certaines choses du ciel, ou des visions imaginaires, sur les visions imaginaires et intellectuelles, voir, autobiographie, chapitre 28, elle peut ensuite en faire le récit, cela reste gravé dans sa mémoire de telle manière que jamais elle ne l'oublie. Mais quand ce sont des visions intellectuelles, elle est incapable de rien en dire, à ce degré, certaines doivent être si élevées, qu'il ne convient pas que ceux qui vivent sur terre les comprennent et en parlent. Toutefois, une personne qui a le saint usage de ses sens, peut décrire ici-bas beaucoup de ses visions intellectuelles. J'en parlerai en temps voulu, puisque l'ordre m'en fut donné par quelqu'un qui a autorité pour cela. Bien qu'il paraisse présomptueux de le croire, ce sera peut-être utile à quelques âmes. Mais, me direz-vous, si ces âmes ne gardent aucun souvenir des si hautes faveurs que le Seigneur leur accorde alors, quel profit y trouvent-elles? Ô mes filles! Il est si grand qu'on ne le dira jamais assez, car bien qu'elles soient indescriptibles, elles se graffent fortement au plus intime de l'âme, on ne les oublie jamais. Mais si aucune image ne les accompagne, et si les puissances ne les comprennent point, comment peut-on se les rappeler? Je ne le comprends pas moi-même, mais je comprends que certaines vérités sur la grandeur de Dieu sont si fortement fixées dans ces âmes que même si la foi ne leur disait qui il est, avec l'obligation d'y croire pour l'amour de Dieu, elles adoreraient en lui cette grandeur à partir de cet instant, comme Jacob quand il vit l'échelle. Il dut saisir alors d'autres secrets qu'il ne surrépétait, la vue d'une échelle par laquelle descendait et montait des anges n'eût pas suffi à lui faire comprendre de si grands mystères, sans un surcroît de lumière intérieure. Je ne sais si je m'exprime bien, car bien que j'en ai entendu parler, j'ignore si mes souvenirs sont exacts. Moïse lui non plus n'a pas su dire tout ce qu'il avait vu dans le buisson, mais uniquement ce que Dieu lui permit de révéler. Mais si Dieu n'avait pas communiqué à son âme des secrets, s'il ne lui avait pas octroyé la certitude de voir et de croire que cela venait de Dieu, il n'aurait pas tant entrepris, au prix de si grandes épreuves, il dut découvrir au milieu des épines de ce buisson de fort grandes choses, qui lui donnèrent le courage de faire ce qu'il fit pour le peuple d'Israël. Donc, mes sœurs, nous n'avons pas à chercher des raisons de comprendre les choses cachées de Dieu, mais puisque nous croyons en sa puissance, nous devons croire, c'est clair, que le ver de terre que nous sommes, dont la puissance est si limitée, est incapable de concevoir ses grandeurs. Louons-le vivement de consentir à nous en faire comprendre quelques-unes. Je désirerais trouver une comparaison qui éclaire un peu ce que je dis. Je crains qu'il n'y en ait pas de bonne, mais donnons celle-ci, vous pénétrez dans l'appartement d'un roi ou d'un grand seigneur, ce qu'on appelle, ce me semble, un salon, où en trouvant nombre infini, toutes sortes de verreries, de poteries et beaucoup de choses, disposées en si bel ordre, qu'on les voit presque toutes en y entrant. On m'a introduite un jour dans l'une de ces salles chez la duchesse d'Albe, où sur les instances de cette dame, l'obéissance m'avait commandé de demeurer au cours d'un voyage, ébahi, en y pénétrant, je me demandais à quoi pouvait servir cette foule d'objets, tout en considérant qu'on pouvait louer le Seigneur de voir une telle variété de choses, et il est amusant de constater combien cela m'est utile pour ce que j'y écris. J'y passais un moment, mais il y avait tant à voir que j'oubliais tout immédiatement, et que je ne gardais le souvenir d'aucune de ces pièces, je ne saurais pas plus décrire leur facture qu'eux si je ne les avais jamais vues. Il en est de même lorsque, introduit dans cet appartement du ciel empiré, que nous devons avoir à l'intérieur de nos âmes, l'âme ne fait qu'un, très intimement, avec Dieu, puisque Dieu est dans l'âme, il est clair qu'il y a dans l'âme une de ses demeures. Toutefois lorsque l'âme est ainsi, en extase, le Seigneur ne doit pas toujours lui permettre de pénétrer ses secrets, elle est d'ailleurs si occupée à jouir de lui que ce bonheur lui suffit, mais il lui permet parfois de se ranimer, et de voir soudain ce qu'il y a dans cet appartement. Revenue elle, elle garde donc l'image des grandeurs qu'elle a vues, elle ne peut néanmoins en décrire aucune, sa nature ne se hausse pas au-delà de ce que Dieu a voulu lui montrer surnaturellement. Suis-je donc en train de confesser ce qui a été vu, et qu'il s'agit d'une vision imaginaire? Je ne veux rien dire de semblable, cela n'est pas mon objet, mais la vision intellectuelle, je manque d'instruction, mon ignorance est incapable de rien exprimer, si je me suis bien expliqué à propos de cette raison, je comprends clairement que ce n'est pas de mon propre chef. Pour moi, je suis d'avis que lorsque l'âme à qui Dieu accorde ses ravissements ne pénètre que certains de ses secrets, ce ne sont pas des ravissements, mais quelques faiblesses naturelles, car il se peut que des personnes de faible complexion, et c'est notre cas à nous, femmes, surmontent la nature par une certaine force d'esprit, et restent absorbées, comme je crois l'avoir dit à propos de l'oraison de quiétude. Cela n'a rien de commun avec le ravissement, lorsque c'en est un, croyez-le, Dieu dérobe l'âme tout entière, elle est sa propre chose, et en tant que telle, désormais, son épouse, il lui montre peu à peu quelques petites parcelles du royaume qu'elle a mérité, en tant qu'épouse, si petite soit-elle, tout est abondance dans ce grand Dieu, et il ne permet à personne de l'entraver, ni aux puissances, ni aux sens. Il donne l'ordre immédiat de fermer les portes de toutes ses demeures, celles où il réside reste seul ouvert pour nous y introduire. Béni soit une si grande miséricorde, ceux qui ne voudraient pas en profiter, et qui perdraient ce Seigneur, seront maudits à juste titre. Ô mes sœurs, ce que nous quittons n'est rien, ni tout ce que nous faisons, ni tout ce que nous pourrions faire pour un Dieu qui consent ainsi à se donner à un ver de terre. Puisque nous espérons jouir de ce bien dès cette vie même, que faisons-nous? À quoi nous arrêtons-nous? Est-il rien d'assez grand pour nous distraire un instant de chercher ce Seigneur, comme le faisait l'épouse, dans les rues et sur les places? Oh, tout au monde est moquerie qui nous rapproche de cela et ne nous aide pas à le rejoindre, même si délices, richesses, joie, tout ce qu'on peut imaginer, devait durer toujours. Tout est dégoût, ordure, en comparaison des trésors dont nous devons jouir à jamais. Et cela même n'est rien, comparé au seul fait de posséder le Seigneur de tous les trésors, ceux du ciel et de la terre. Ô aveuglement humain! Jusqu'à quand, attendrons-nous qu'on retire cette poussière de nos yeux? Elle ne semble pas abonder parmi nous au point de nous aveugler tout à fait. Mais je vois cependant de petits graviers, qui suffiront à nous faire grand tort, si nous les laissons s'accumuler, pour l'amour de Dieu. Mes sœurs, servons-nous de ces fautes pour connaître notre misère, qu'elles épurent notre vue, comme le fit l'époux pour l'aveugle qui a guéri notre époux, Jean. 9,6, 7, à nous voir, donc, si imparfaites, Supplions-le d'autant plus vivement d'extraire le bien de nos misères, pour contenter Sa Majesté en toutes choses. Je me suis beaucoup écarté de mon sujet par l'inadvertance. Pardonnez-moi, mes sœurs, et croyez que lorsque j'approche des grandeurs de Dieu, c'est-à-dire, lorsque j'en parle, je ne puis retenir de vives plaintes, je vois ce que nous perdons par notre faute. Car bien que le Seigneur donne ces choses à qui il veut, si nous aimions Sa Majesté comme elle nous aime, elle nous les donnerait à nous tous. C'est son unique désir, trouver à qui donner, et ses richesses ne diminuent pas pour autant. Pour en revenir, donc, à ce que je disais, les pouvoirs donnent la fermeture des portes des demeures, et même celle du château et de l'enceinte, car lorsqu'il veut enlever cette âme, et la ravir, elle perd la respiration, et même si elle garde un peu plus longtemps l'usage des sens, il lui est totalement impossible de parler, mais parfois, aussi, tout s'interrompt soudain, les mains et le corps se refroidissent à tel point qu'elle croit être privée d'âme, et qu'il arrive même qu'on ne perçoive plus son souffle. C'est bref, et je le précise, c'était elle allait bref, car dès que ce grand ravissement se relâche, le corps semble se ressaisir un peu, il reprend haleine pour mourir à nouveau, et donner à la main supplément de vie, et pourtant, cette grande extase ne dure pas longtemps. Lorsqu'elle a cessé, il arrive néanmoins que la volonté reste, si absorbée et l'entendement si égaré, pendant des jours et encore des jours, que cette âme semble incapable de rien comprendre de ce qui n'éveille pas la volonté et l'incite à aimer. Elle est toutefois fort éveillée à l'amour, mais endormie s'il s'agit d'affronter les créatures et de s'y attacher. Quand l'âme revient tout à fait à elle, oh, quelle confusion est la sienne, quel immense désir elle a de s'employer au service de Dieu, de quelque façon il veuille utiliser. Si les effets des états de raison précédents sont comme je les ai décrits, que peut-il s'en suivre d'une faveur aussi grande que celle-là? Je voudrais vivre mille vies pour les vous et toutes au service de Dieu, et que toute chose sur terre se transforme en langue pour le louer. Le désir de faire pénitence est immense, on n'y a guère de mérite, la force de l'amour est telle que l'âme ne se ressent guère de tout ce qu'elle fait. Elle voit clairement que les tourments qu'enduraient les martyrs étaient peu de choses, car avec cette aide de notre Seigneur, tout devient facile, ces âmes, donc, se plaignent à Sa Majesté, quand elles n'ont pas l'occasion de souffrir. Quand Sa Majesté leur fait cette faveur en secret, elle estime à sa très haute valeur, mais quand plusieurs personnes en sont témoins, elles sont si confuses, si honteuses, que leur âme, en quelque sorte, se vit du bonheur dont elle a joui, tant elle est soucieuse, affligée, de ce que les gens penseront de ce qu'ils ont vu. Elles connaissent la malice du monde, et comprennent que d'aventure on ne l'attribuera pas à qui de droit, et au lieu d'y trouver une occasion de louer le Seigneur, ce sera peut-être un sujet de médisance. Sous certains aspects, cette peine et cette confusion me semblent un manque d'humilité, mais cela ne dépend plus de leur volonté. En effet, si cette personne souhaite le blâme, que lui importe? Comme l'a dit notre Seigneur à quelqu'un qui s'affligeait ainsi, ne te mets pas en peine, puisqu'ils doivent soit me louer, moi, soit médire de toi, et quoi qu'on dise, tu y gagnes. Autobiographie, chapitre 31. J'ai su plus tard que ces paroles avaient beaucoup encouragé et soutenu cette personne. Je les rapporte ici, aucun l'une de vous connaîtrait pareille affliction. Notre Seigneur semble vouloir que tout le monde comprenne que cette âme est déjà sienne, et que personne n'a le droit d'y toucher. Qu'on s'attaque à son corps, à son honneur, à ses biens, à la bonne heure, tout contribuera à honorer Sa Majesté, mais quant à l'âme, point, si elle ne s'éloigne pas de son époux par une autre puissance fort coupable, il la protégera contre le monde entier, et même contre tout l'enfer. Je ne sais si j'ai réussi à faire comprendre ce qu'est le ravissement, tout dirait impossible, comme je l'ai signalé, mais je sens qu'on ne perd rien à s'y essayer, pour faire comprendre en quoi il consiste, car il diffère beaucoup, par ses effets, des ravissements fins. Si j'emploie le mot fin, ce n'est pas que la personne qui les a veuille tromper, mais elle est trompée. Et lorsque les signes et les effets ne sont pas conformes à une si haute grâce, on la diffame à tel point qu'en conséquence, et avec juste raison, on ne croira plus celle à qui le Seigneur l'accorde. Qu'il soit à jamais béni et loué. Amen, amen. Chapitre 5. Suite du même sujet. Comment Dieu élève l'âme, par un rap de l'esprit différent de ce qui a été décrit. Pourquoi le courage est nécessaire. De cette savoureuse faveur qu'accorde le Seigneur. Enseignement fort profitable. Il est une autre sorte de ravissement, ou vol de l'esprit dit jamais façon, car bien qu'en substance ce soit la même chose, le sentiment intérieur est fort différent. Parfois, on sent soudain un mouvement de l'âme, si accéléré que l'esprit, semble emporté à une vélocité qui fait grand peur, particulièrement dans les débuts. C'est pourquoi je vous disais que ceux à qui Dieu accorde ses grâces doivent avoir beaucoup de courage, de la foi, de la confiance, et être pleinement résignés à laisser notre Seigneur faire de l'âme ce que bon lui semble. Croyez-vous que la personne, qui en pleine possession de ses sens, sent son âme emportée soudain, puisse n'être qu'à peine troublée? Nous avons même lu que le corps suit parfois, sans savoir où il va, qu'il l'emporte, ni comment, car au début de ce mouvement momentané, on n'est pas tellement certain qu'il vienne de Dieu. N'y a-t-il aucun moyen d'y résister? Aucun, ce serait même pire. Certaines personnes m'ont dit que Dieu semble vouloir faire comprendre à l'âme qui s'est remise en ses mains, et s'adonner à lui si souvent et si sincèrement tout entière avec une volonté totale, qu'elle ne s'appartient plus, et il la ravit dans un élan encore plus impétueux. Cette personne avait décidé d'être, comme la paille que l'ombre soulève, comme vous l'aurez remarqué, et de s'abandonner dans les mains de celui qui, dans sa toute-puissance, sait que la plus grande sagesse est de faire de nécessite vertu. Et parce que j'ai parlé de la paille, la vérité est qu'avec la même facilité qu'un géant peut ravir une paille, notre grand et puissant géant ravit l'esprit. Cela évoque ce bassin dont nous avons parlé, dans la quatrième demeure, ce me semble, quatrième demeure, chapitre 2 et 3, qui avec une telle douceur sans aucun frémissement, s'emplissait, mais ici, ce grand Dieu qui retient les sources des eaux, et qui ne permet pas à la mer de sortir de ses limites, déchaîne les sources qui alimentent ce bassin, dans un élan impétueux. Une vague se soulève, si puissante qu'elle élève sur les hauteurs cette nacelle qu'est notre âme. Et de même qu'une nacelle ne peut lutter, que le pilote et tous ceux qui la gouvernent, sont impuissants à la maintenir où ils le veulent au milieu des vagues en furie, l'âme peut encore moins arrêter où elle le veut son mouvement intérieur, ni obtenir que ses sens et ses puissances fassent autre chose que ce qui leur est commandé. Quant à l'extérieur, on n'en fait ici aucun cas. Vraiment, mes sœurs, rien que d'écrire cela, je m'émerveille de voir se montrer la grande puissance de ce grand roi et empereur, que sera-ce de ceux qui le vivent. M'est avis que si sa majesté se découvrait à ceux qui errent ce monde, et si perte comme elle se découvre à ses âmes, par crainte, à défaut d'amour, elle n'oserait plus l'offenser. Mais, oh, que celles qui ont été instruites sur de si hauts chemins, ont donc le devoir de chercher de toutes leurs forces à ne pas fâcher ce Seigneur. Pour l'amour de lui, je vous supplie, mes sœurs, vous, à qui sa majesté aurait accordé cette faveur, ou des grâces semblables de veiller à ne pas vous contenter de recevoir. Considérez que quiconque doit beaucoup devra beaucoup payer. Ici encore il faut un grand courage, car cela effraie vivement. L'âme à qui notre Seigneur n'en donnerait point, vivrait dans une grande affliction, la vue de ce que sa majesté fait d'elle, suivie d'un retour sur elle-même, lui prouverait qu'elle n'est guère capable de faire ce qu'elle doit, le peu qu'elle fait lui paraîtrait plein de fautes, de failles, de faiblesses, pour ne pas penser aux imperfections de son œuvre, si tant est qu'elle en fasse, elle préfère tâcher d'oublier et se cacher dans la miséricorde de Dieu, puisqu'elle n'a pas de quoi payer, que sa pitié et sa miséricorde à l'égard des pécheurs y supplient. Peut-être lui répondra-t-il, comme à une personne qui se tenait devant un crucifix, fort affligée, considérant qu'elle n'avait jamais rien eu à donner à Dieu, ni quoi que ce soit à quitter pour lui. Pour la consoler, le crucifié lui-même lui dit, qu'il lui donnait toutes les douleurs, et toutes les épreuves qu'il avait souffertes dans sa passion, elle pouvait se les approprier, pour les offrir à son père. Sainte Thérèse reçut cette faveur à Séville en 1575 ou 76. Voix faveur de Dieu. Ce fut pour cette âme un tel réconfort, elle se vit si riche, m'a-t-elle dit, qu'elle n'a jamais pu l'oublier, elle se le rappelle même chaque fois qu'elle voit sa misère, et se retrouve fortifiée, consolée. Je pourrais évoquer certaines choses comme celle-là, j'ai connu tant de personnes saintes, et vouées à l'oraison que j'en sais un grand nombre, j'y résiste pour que vous ne pensiez pas qu'il s'agit de moi. Ce que je viens de vous dire me semble fort propre à vous faire comprendre combien la connaissance que nous avons de nous, et ce même est agréable à notre Seigneur, ainsi que l'effort de toujours considérer et reconsidérer notre pauvreté, notre misère, certaines de nos biens possédés que nous n'ayons reçus. Donc, mes sœurs, pour cela et beaucoup d'autres choses, qui se présentent à l'âme que le Seigneur a fait accéder à cet état, il faut du courage, et, ce me semble, plus encore pour la dernière de ses faveurs que pour toutes les autres, si elle est humble. Plaise au Seigneur de nous en donner, il en a le pouvoir. Pour revenir à ce brusque rap de l'esprit, il est tel que l'esprit semble vraiment quitter le corps, et pourtant, c'est clair, cette personne n'est pas morte, mais pendant quelques instants, elle ne peut dire si son esprit est dans son corps, oui ou non. Il lui semble avoir été tout entière dans une autre région, bien différente de celle où nous vivons, là, on lui a montré une autre lumière, si différente de celle d'ici-bas, qu'elle aurait pu passer sa vie entière à la fabriquer, ainsi que d'autres choses, sans y parvenir. Et en un instant, on lui montre tant de choses à la fois que si son imagination et sa pensée travaillaient des années à les agencer, elle n'y parviendrait pas pour une sur mille. Ce n'est pas une vision intellectuelle, mais imaginaire, on la voit des yeux de l'âme beaucoup mieux que nous ne voyons ici-bas des yeux du corps, et, sans parole, on lui fait comprendre certaines choses, ainsi, si elle voit des saints, elle les reconnaît comme si elle les avait beaucoup fréquentés. D'autres fois, en même temps que les choses qu'elle voit des yeux de l'âme, d'autres lui sont montrées par une vision intellectuelle, en particulier une multitude d'anges, en compagnie de leur Seigneur, et sans rien voir des yeux du corps ni de l'âme, par une connaissance admirable que je ne saurais expliquer, on lui présente ce que je dis, et beaucoup d'autres choses indicibles. Quelqu'un de plus habile que moi, qui en aurait l'expérience pourrait peut-être le faire comprendre, mais cela me semble bien difficile. Je ne saurais dire si l'âme est unie au corps lorsque cela se produit, du moins je ne jurerais pas qu'elle soit dans le corps, ni que le corps soit sans l'âme. J'ai souvent pensé ceci, de même que le soleil immobile au ciel, a des rayons d'une telle puissance, qui nous parviennent en un instant sans qu'ils bougent de là-haut, l'âme et l'esprit ne font qu'un, comme ne font qu'un le soleil et ses rayons, et ainsi, tout en restant à sa place, l'âme, par la puissance de la chaleur qui lui vient du vrai soleil de justice, peut projeter au-dessus d'elle-même ce qu'il y a de supérieur en elle. Enfin, je ne sais ce que je dis. Ce qui est vrai, c'est qu'à la vitesse d'une balle sortie d'une arquebuse à laquelle on a mis feu, il se produit intérieurement une envolée, je ne sais quel autre nom lui donner, dont le mouvement est si clair, bien que sans bruit, qu'on ne peut l'attribuer à l'imagination, et voilà l'âme tout hors d'elle-même autant qu'elle peut le comprendre, et de grandes choses lui sont montrées, quand elle revient à elle. Elle est en gagnée. Les choses de la terre lui semblent si peu de choses comparées à ce qu'elle a vu, qu'elle n'y voit qu'ordure, Dès l'heureux. Le vivre sur terre à dure peine, rien de ce qui lui plaisait naguère, n'a pour elle le moindre intérêt. Le Seigneur semble avoir voulu lui faire entrevoir le pays où elle ira un jour, comme les envoyés du peuple d'Israël, rapportèrent des signes de la terre promise, pour l'aider à supporter les épreuves de cette route si pénible, sachant où elle ira se reposer. Quelque chose qui passe si vite, vous semblera peut-être pas devoir être très profitable, mais la mentir de si grands bénéfices, que nul ne saurait les apprécier à leur valeur, sauf ceux qui en ont fait l'expérience. On voit bien par là que ce n'est pas chose du démon, l'imagination n'y peut rien, et le démon serait impuissant à représenter des choses si efficaces, qui laissent dans l'âme tant de paix, de calme, et de bienfait. 3. En particulier, un très haut degré. Le premier est la connaissance de la grandeur de Dieu, car plus elle se découvre à nous, plus nous sommes admis à la comprendre. Le second, connaissance de soi, humilité de voir comment chose si basse comparée au Créateur de tant de grandeur a osé l'offenser, et même le regarder. Le troisième, le guère prise et toutes les choses de la terre, si ce n'est celles qui peuvent s'employer au service d'un si grand Dieu. Tels sont les premiers joyaux que l'époux donne ici à son épouse, ils sont d'une telle valeur qu'elle ne s'exposera pas au risque de les perdre, ce qu'elle a du reste si gravé dans sa mémoire qu'il lui est impossible, je crois, de l'oublier en attendant d'en jouir pour toujours, sous peine de subir un immense dommage, mais l'époux qui lui fait ce don, a aussi le pouvoir de lui donner la grâce de ne pas le perdre. Donc, pour en revenir au courage nécessaire, pensez-vous que ce soit peu de chose? Car l'âme semble vraiment se séparer du corps, elle voit ses sens lui échapper et ne comprend pas pourquoi. Il faut que celui qui lui donne tout le reste lui donne aussi du courage. Vous direz qu'elle est bien payée de ses craintes, je suis du même avis. Loué soit à jamais celui qui peut en donner. Plaise à sa majesté de nous accorder de mériter de la servir. Amen. Chapitre 6. D'un autre effet de l'oraison évoqué dans le chapitre, précepte qui prouve que cet état est véritable, et pas un leurre. D'une autre faveur que le Seigneur accorde à l'âme pour l'inciter à le louer. Ces hautes faveurs communiquent à l'âme un si vif désir de jouir pleinement de celui qui les accorde, qu'elle vit dans un fort grand tourment, savoureux toutefois, elle aspire ardemment à mourir, et toujours avec des larmes, elle demande à Dieu de la sortir de cet exil. Tout ce qu'elle voit ici-bas la fatigue, la solitude lui apporte certains soulagements, mais le chagrin la reprend, sans lequel elle ne peut vivre. Enfin, ce petit papillon n'arrive pas à se stabiliser, l'âme si attendrie par l'amour que la première occasion d'activer cette flamme lui fait prendre son vol. Les ravissements sont donc très fréquents dans cette demeure, sans qu'il soit possible de s'y dérober, même en public, persécution, médisance s'en suivent, qui ne lui permettent pas de vivre sans crainte, comme elle le voudrait, car de nombreuses personnes l'effraient. En particulier les confesseurs. Bien que la certitude habite une partie de son âme, spécialement quand elle est seule avec Dieu, elle est, d'autre part, fort affligée, elle redoute que le démon, par ses tromperies, la pousse à offenser celui qu'elle aime tant, car elle ne se met guère en peine des médisances, sauf lorsque son confesseur lui-même l'accable, comme si elle y pouvait quelque chose. Sans cesse, à tout un chacun, elle demande des prières, elle supplie sa majesté de la conduire par une autre voie, selon le conseil de ceux qui lui disent que ce chemin est fort dangereux. Mais elle y a fait de si grands progrès, tout ce qu'elle lit, tout ce qu'elle entend et sait, d'après les commandements de Dieu, montre si bien qu'il conduit au ciel, qu'il lui est impossible de renoncer à son désir de le suivre, malgré sa volonté. Elle s'abandonne donc entre les mains de Dieu. Toutefois, elle s'afflige de ne pouvoir désirer prendre une autre voie, il lui semble ne pas obéir à son confesseur, alors que l'obéissance est le refus d'offenser notre sœur. Ignore sont, lui semble-t-il, les seuls remèdes contre l'illusion. elle se juge incapable de consentir à commettre un péché véniel, dût-on la mettre en pièces, et s'afflige donc immensément de constater qu'elle ne peut éviter d'en commettre beaucoup sans s'en apercevoir. Dieu donne à cette âme un si vif désir de ne le fâcher, si peu que ce soit, en rien, autant que possible, de ne rien faire d'imparfait, que dans ce seul but, sans présumer de tout le reste, elle voudrait fuir les gens, et elle envie beaucoup ceux qui vivent ou ont vécu au désert. Par ailleurs, elle voudrait se jeter au beau milieu du monde pour chercher à amener une seule âme à mieux loin Dieu. Elle s'afflige, si elle est femme, des entraves que lui oppose sa nature qui l'en empêche, et elle envie beaucoup ceux qui sont libres de proclamer à grands cris, qui est ce grand Dieu des chevaleries. Oh, pauvre petit papillon, lié par tant de chaînes, on ne te permet pas de voler comme tu le voudrais. Ayez pitié de lui mon Dieu, autorisez-la à réaliser quelques-uns de ses désirs pour votre honneur et votre gloire. Ne songez pas à son peu de mérite, à sa basse nature. Vous avez la puissance, vous Seigneur, d'ordonner à la mer et au grand Jourdain de se retirer pour laisser passer les enfants d'Israël. Ne plaignez pas cette âme, puisqu'avec l'aide de votre force, elle peut supporter bien des peines, elle y est résolue, et désire les subir. Étendez, Seigneur, votre bras tout-puissant afin qu'elle n'emploie pas sa vie à des choses aussi mesquines. Que votre grandeur se manifeste en un objet si féminin, si méprisé, pour que le monde comprenne qu'elle n'a rien par elle-même, et que vous, il vous loue, quoi qu'il puisse lui en coûter, c'est ce qu'elle veut. Et eût-elle mille vies, les donner pour qu'une âme vous loue un peu mieux à cause d'elle, ce sera, estime-t-elle, bien l'useur de ses peines, elle contre. Aime dans toute sincérité qu'elle ne mérite pas de souffrir pour vous la moindre des épreuves, et encore moins de mourir. Je ne sais à quel propos ni pourquoi j'ai dit cela, mes sœurs, ce fut par inadvertance. Comprenons que tels sont sans aucun doute les effets de ces suspensions ou extases, il ne s'agit pas de désirs passagers, mais continuels, et quand se présente l'occasion de le prouver, on voit qu'ils n'étaient pas fins. Pourquoi dis-je qu'ils sont continuels? L'âme se sent lâche, parfois, devant les choses les plus mesquines, elle est craintive et si démunie de courage, qu'il lui semble impossible d'en avoir pour quoi que ce soit. J'entends que le Seigneur l'abandonne à sa nature, pour son plus grand bien, alors, avec une clarté qui l'anéantit, elle voit que le peu de vaillance qu'elle a montré fut un don de sa majesté, elle tire de là une plus grande connaissance de la miséricorde de Dieu, et de la grandeur qu'il a consenti à montrer en quelqu'un d'aussi bas qu'elle. Mais elle est d'ordinaire dans l'état que nous avons décrit. Mes sœurs, dans ces grands désirs de voir notre Seigneur, considérez ceci, ils sont parfois si oppressants, qu'il ne vous est pas nécessaire de les exalter, mais de vous en distraire si vous le pouvez, dis-je, mais c'est complètement impossible dans certains des cas dont je parlerai plus loin, vous le verrez. Vous pourrez parfois résister à ceux dont je parle ici, car la raison se remet tout entière à la volonté de Dieu, elle dit ce que disait saint Martin, Seigneur, si je suis nécessaire à votre peuple, je ne refuse pas le travail, que votre volonté soit faite. L'âme pourra revenir à la considération, si ses désirs le pressent vivement, car ils sont, semble-t-il, le fait de personnes fort avancées, et le démon pourrait les susciter pour nous faire croire que nous sommes dans ce cas, il est donc toujours bon de garder des craintes. Mais je crois que le démon ne saurait donner à l'âme, la quiétude et la paix qui accompagnent cette peine, la passion dont il l'agitera, ressemble à la peine que causent les choses du siècle. Mais ceux qui n'auraient pas l'expérience de l'une et de l'autre ne le comprendront pas, ils penseront que c'est quelque chose de très grand, ils la fomenteront autant qu'ils le pourront, ce qui nuira gravement à leur santé, car cette peine est continuelle, ou du moins très fréquente. Notez aussi qu'une faible constitution peut fomenter ces peines-là, en particulier s'il s'agit de personnes tendres qui pleurent pour des vétilles, mille fois on leur fera croire qu'elles pleurent pour Dieu, sans qu'il n'en soit rien. Ils peuvent même leur arriver de verser à certains moments des torrents de larmes sans pouvoir y résister, au moindre mot de Dieu qu'elles entendent ou évoquent. Mais certaines humeurs rapprochées du cœur, peut en être cause plutôt que l'amour de Dieu, on croirait toutefois que jamais elles ne cesseront de pleurer. Comme elles ont compris que les larmes sont bonnes, elles ne les maîtrisent point, elles voudraient passer leur temps à pleurer, et font tout pour cela. Le démon cherche par ce moyen, à les affaiblir de manière qu'elles ne puissent plus faire oraison ni observer leurs règles. Je crois vous entendre demander ce que vous pouvez faire, puisque je vois du danger partout, et que lorsqu'il me semble, qu'on peut être abusé par quelque chose d'aussi bon que les larmes, l'abusé, c'est moi. Cela se peut, mais croyez que je ne parle pas, sans l'avoir constaté chez certaines personnes, néanmoins pas en moi, car je ne suis nullement tendre, mon cœur est même si dur que j'en suis parfois peiné, toutefois, quand la flamme intérieure est vive, pour dur que soit le cœur, il distille comme un alambic, et vous constaterez bien que les larmes qui viennent de là sont réconfortantes, elles apaisent au lieu d'agiter. Et il est rare qu'elles fassent du mal. Ce qu'il y a de bien dans ce leur lorsque leur il y a, c'est qu'il nuira au corps, mais pas à l'âme si elle est humble, je le précise, aucun l'humilité ferait défaut. Il ne sera pas mauvais de garder cette méfiance. Ne pensons pas que tout soit fait en pleurant beaucoup, mettons plutôt activement la main à l'ouvrage, et pratiquons les vertus, voilà ce qui nous convient, viennent les larmes si Dieu nous les envoie, sans que nous cherchions à les provoquer. Elles arroseront cette terre sèche, et aident beaucoup à produire des fruits, d'autant plus que nous y prêtons moins d'attention, car cette eau tombe du ciel. On ne saurait la comparer avec celle que nous tirons en nous fatiguant à creuser, car nous creuserons souvent jusqu'à être fourbus sans trouver une flaque d'eau, et encore moins un puits ou une source. C'est pourquoi, mes sœurs, j'estime préférable de nous mettre en présence de Dieu, de considérer sa miséricorde, sa grandeur, ainsi que notre bassesse, afin qu'il nous donne ce qu'il veut, que ce soit l'eau, ou la sécheresse. Il sait mieux que nous ce qui nous convient. Ainsi, nous vivrons en repos, et le démon aura moins d'occasion de nous attirer dans ces choses trappes. En même temps que ces choses pénibles et savoureuses à la fois, il arrive que notre Seigneur accorde à l'âme une jubilation, une raison étrange, que l'âme ne comprend pas. J'en parle ici pour que vous sachiez que cela peut vous arriver, s'il vous fait cette faveur. Rendez-lui d'abondantes grâces. C'est, ce me semble, une union profonde des puissances, mais notre Seigneur les laisse, avec les sens, libres de jouir de cette joie, ils ne comprennent toutefois ni ce dont ils jouissent ni comment ils en jouissent. J'ai l'air de parler arabe, mais cela se passe vraiment ainsi, le bonheur de l'âme est si excessif, qu'elle ne voudrait pas être seule à en jouir. Mais le dire à tout le monde pour qu'on l'aide à louer notre Seigneur, elle ne tend qu'à cela. Oh, que de fêtes elle célébrerait, que de démonstrations, si elle le pouvait, pour que le monde entier conçoive sa joie. Il lui semble s'être enfin trouvé, et comme le père de l'enfant prodigue, elle voudrait convier tout le monde à de grandes fêtes, pour montre. Er son âme établie en un lieu où, à n'en pas douter, elle est en sécurité, du moins à ce moment. Mais t'avis qu'elle a raison, il est impossible au démon de donner tant de joie intérieure, au plus profond de l'âme, tant de paix, et ce contentement qui ne tend qu'à provoquer la louange de Dieu. Dans cet élan d'allégresse, c'est déjà beaucoup de pouvoir se taire et dissimuler, non sans peine. C'est ce que dut ressentir Saint François quand, marchant dans la campagne en poussant des clameurs, il rencontra les voleurs, et leur dit qu'il était le crieur public du grand roi. D'autres saints aussi vont au désert pour pouvoir publier, comme Saint François, ses louanges de leur Dieu. J'en ai connu un, nommé F.R. Pierre d'Alcantara, je crois qu'il est de cela, si on en juge par sa vie, il faisait comme eux, et ceux qui eurent l'occasion de l'entendre le prenaient pour un fou. Oh, la bonne folie, mes sœurs! Plaise à Dieu de nous la donner à toutes. Quelle grâce il vous a faite de vous amener en un lieu où même si le Seigneur vous donne cette folie et que vous la manifestiez, vous trouverez de l'aide, et point de médisance, comme ce serait le cas si vous étiez dans le monde où s'écrit, sont si rares qu'il n'est pas surprenant qu'on en médise. Autant infortunés, vie misérable où nous vivons, et heureuses celles qui ont la bonne fortune d'en sortir. Lorsque nous sommes toutes réunies, il m'arrive parfois d'éprouver une joie particulière à considérer ces sœurs, dont la joie intérieure est si grande, qu'elles rivalisent de louange à notre Seigneur qui les a conduites dans ce monastère. On voit très clairement que ces louanges jaillissent du profond de leur âme. Je voudrais, mes sœurs, que vous le fassiez souvent, car la première éveille les autres. Quel meilleur emploi de votre langue, quand vous êtes ensemble, si ce n'est louer Dieu, puisque nous avons tant de raisons de le faire? Plaise à Sa Majesté de nous accorder souvent cette oraison si sûre, et si avantageuse, car nous ne pouvons l'acquérir, elle est toute surnaturelle. Il arrive qu'elle dure une journée, la met alors comme quelqu'un qui a beaucoup bu sans toutefois que ses sens soient alignés, ou comme un mélancolique qui n'a pas tout à fait perdu la tête, mais dont l'imagination s'obstine dans une idée fixe, que personne ne peut lui ôter. Ce sont des comparaisons bien grossières pour un sujet si précieux, mais je n'ai pas le talent de mieux faire. C'est ainsi, dans sa joie, cette âme s'oublie si bien elle-même, et toute chose, qu'elle ne remarque et n'exprime, que de ce qui procède de sa joie, la louange de Dieu. Et dans cette âme, nous toutes, mes filles, pourquoi voudrions-nous avoir plus de cervelle? Qui pourrait nous donner de plus grandes joies? Que toutes les créatures nous y aident, dans tous les siècles des siècles. Amen, Amen, Amen. Chapitre 7. De la peine que les âmes à qui Dieu accorde les dites grâces ressentent de leurs péchés. De la grande erreur que ce serait de ne pas chercher à évoquer l'humanité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sa sainte passion, sa vie, sa glorieuse mère et ses saints, si grande que soit notre spiritualité. Chapitre fort profitable. Vous allez croire, mes sœurs, surtout celles d'entre vous, qui n'ont pas reçu ces faveurs, car celles qui ont joui de grâces venues de Dieu, comprendront ce que je vais dire, que les âmes à qui le Seigneur se communique si particulièrement, sont sans doute tellement certaines de jouir de lui pour l'éternité qu'elles n'ont plus rien à craindre, ni à pleurer leurs péchés, ce serait une bien grande erreur. Car plus Dieu nous donne, plus elle croit notre douleur d'avoir péché. Je pense à part moi que tant que nous n'aurons pas atteint le lieu où plus rien ne pourra nous causer de la peine, nous ne serons pas soulagés de celle-là. Il est vrai que, selon les circonstances, elle pèse sur nous plus ou moins, et varie, l'âme oublie le châtiment qu'elle encourt pour ne considérer que son ingratitude à l'égard de celui à qui elle doit tant, et qui mérite d'être si bien servi, l'un des effets des grandeurs qui lui sont communiquées, et de mieux lui faire comprendre la grandeur de Dieu. Elle s'épouvante de sa hardiesse, elle pleure son irrespect, sa folie lui semble si folle que ses regrets sont sans fin quand elle se souvient de la bassesse des choses pour lesquelles elle a négligé une si grande majesté. Ils sont plus présents à son souvenir que les faveurs qu'elle reçoit, si grandes que soient celles déjà évoquées, et celles dont il reste à parler. Un fleuve tumultueux semble emporter les faveurs, et les ramener en temps voulu, mais les péchés sont comme une boue, ils semblent s'aviver sans cesse dans la mémoire, et c'est une fort grande croix. Je connais une personne qui voulait mourir pour voir Dieu, mais elle le désirait en outre, pour ne pas endurer le chagrin constant d'avoir été ingrate envers celui à qui elle avait dû et devrait toujours tant, ainsi, elle imaginait que personne ne l'égalait en malignité. Puisqu'à ce qu'elle comprenait, jamais Dieu n'avait accordé plus de faveur qu'à elle, ni montré plus de clémence envers quiconque. Quant à la peur de l'enfer, ses âmes n'en ont aucune. L'idée de perdre Dieu les oppresse parfois durement, mais rarement. Leur plus grande crainte est d'offenser Dieu, au cas où il cesserait de les tenir par la main, et de se retrouver dans le misérable état où elles ont vécu naguère, mais elles ne se soucient ni de leur propre peine ni de leur propre gloire. Si elles souhaitent ne pas rester longtemps au purgatoire, c'est pour ne pas être privées de Dieu le temps qu'elles y passeraient, bien plus que par crainte des peines qu'elles devront y subir. L'âme la plus favorisée par Dieu ne serait pas, ce me semble, en sûreté, si elle oubliait le temps où elle a vécu dans ce misérable état. C'est pénible, mais profitable pour beaucoup d'entre elles. J'ai été si vil que telle est peut-être la cause pour laquelle cela me revient sans cesse en mémoire. Celles qui ont bien vécu n'ont sans doute pas de regrets, quoiqu'il y ait toujours des défaillances, tant que nous sommes dans notre corps mortel. La pensée que notre Seigneur nous a déjà pardonné et qu'il a oublié nos péchés n'allège nullement cette peine, tant de bonté l'aggrave plutôt, et de le voir accorder des faveurs à quelqu'un qui ne mériterait que l'enfer. Tel fut, ce me semble, le grand martyr de Saint-Pierre et de la Madeleine. Leur amour était si grand, ils avaient reçu tant de grâce, ils avaient si bien la notion de la grandeur et de la majesté de Dieu, que leur souffrance dut être fort rude, et mêlée de bien tendres regrets. Vous allez croire encore que la personne qui jouit de choses aussi hautes, ne méditera pas sur les mystères de l'humanité très sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque tout entière consacrée à l'amour. J'ai longuement écrit ailleurs sur ce sujet, autobiographie, chapitre 22, bien qu'on m'ait opposé que je n'y comprenais rien, que ce sont là des chemins par lesquels notre Seigneur nous conduit, et qu'une fois fait les premiers pas, mieux vaut s'occuper des choses de la divinité, et fuir les choses corporelles, on ne me fera pas confesser que tel soit le bon chemin. Il se peut que je me trompe, et que nous disions tout la même chose, mais j'ai vu le démon chercher à me tromper par ce moyen, je suis donc si bien échaudé, que malgré que j'en ai parlé souvent, autobiographie, chapitre 23 et 24, je crois bon de le répéter ici, pour que vous vous teniez sur vos gardes, et considérez que j'ose vous dire de ne pas croire ceux qui parleraient autrement. Je vais tâcher de me faire mieux comprendre que je ne l'ai et fait jusqu'ici, car si quelqu'un, d'aventure, a écrit sur ce sujet, il s'est peut-être d'autant mieux exprimé qu'il l'a fait plus longuement, tout nous dire à la fois, brièvement, à nous qui ne comprenons pas grand-chose, peut faire grand mal. Certaines âmes croiront peut-être aussi, qu'il leur est impossible de penser à la passion, dans ce cas, elles pourront moins encore penser à la très sainte Vierge, ni à la vie des saints, dont la mémoire nous est si profitable et si encourageante. Je ne puis imaginer à quoi elles songent, car l'éloignement de toute chose corporelle, est le fait d'esprits angéliques toujours enflammés d'amour, alors que nous, qui vivons dans un corps mortel, nous avons besoin du commerce, de la pensée, de la société de ceux qui, dans ce corps, ont réalisé pour Dieu de si hauts faits. Nous devons d'autant moins travailler à nous écarter de notre plus grand bien, de notre remède le plus efficace, qui est l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. J'imagine que ces âmes ne se comportent ainsi que par ignorance, car elles se nuiront et nuiront aux autres. Je leur certifie, du moins, qu'elles ne pénétreront pas dans les deux dernières demeures, car si elles s'éloignent du guide, qui est le bon Jésus, elles n'en trouveront pas. Est-ce le chemin? Ce sera déjà beaucoup si elles sont assurées de se maintenir dans les demeures précédentes. Le Seigneur dit lui-même qu'il est le chemin, Jean 14,6, il dit aussi qu'il est la lumière, et que nul ne peut aller au Père que par lui, et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. On prétendra qu'on donne un autre sens à ces paroles. J'ignore ces autres sens, je me suis toujours bien trouvé de celui-là, et mon âme sent que telle est la vérité. Certaines âmes, et nombreuses sont celles qui s'en sont ouvertes à moi, dès que notre Seigneur leur accorde la contemplation parfaite, voudraient y demeurer toujours, et ce n'est pas possible. Mais cette faveur du Seigneur les rend inaptes à réfléchir au mystère de la passion et de la vie du Christ, comme elles le faisaient auparavant. J'ignore pourquoi, mais il est très fréquent que l'entendement, soit alors moins habile à la méditation. Cela, à ce que je crois, doit venir de ce que l'âme, sachant que la méditation consiste à chercher Dieu, ne veut plus fatiguer son entendement une fois qu'elle la trouve, et qu'elle s'est accoutumée, par un acte de volonté, à le chercher à nouveau. Il m'apparaît aussi que lorsque la volonté est ardente, cette puissance généreuse ne veut plus, autant que possible, se servir de l'entendement, elle n'a pas tort, mais n'y parviendra pas, du moins jusqu'à ce qu'elle ait atteint ses dernières demeures, et elle perdra du temps, car l'aide de l'entendement a souvent nécessaire pour enflammer la volonté. Remarquez ce point, mes sœurs, il est d'importance, c'est pourquoi je veux l'expliquer plus à fond. L'âme voudrait se vouer tout entière à l'amour, elle voudrait ne s'occuper de rien d'autre, mais elle a beau le vouloir, elle ne le pourra pas, car bien que la volonté ne soit pas morte, le feu qui l'enflamme parfois est mourant, il faut que quelqu'un souffle dessus pour qu'il projette sa chaleur. Serait-il bon pour l'âme de rester dans cette sécheresse, en attendant, comme notre Pélie, que le feu du ciel brûle ce sacrifice qu'elle fait d'elle-même à Dieu? Non, certes, il ne sied pas d'attendre des miracles. Le Seigneur en fait pour cette âme quand il veut, comme je l'ai dit et le dirai, mais Sa Majesté veut que nous nous jugions assez vils pour ne pas les mériter, et que nous nous aidions nous-mêmes autant que nous le pouvons. Je crois, quant à moi, que cela nous est nécessaire jusqu'à notre mort, si haute que soit notre raison. À la vérité, l'âme que le Seigneur introduit dans la septième demeure n'aura besoin que rarement, ou presque jamais, de faire de telles démarches, pour les raisons que je donnerai en temps utile, si j'y pense, elle se fait une habitude de ne pas s'éloigner du Christ notre Seigneur, elle s'attache à ses pas selon un mode admirable par lequel, humain et divin à la fois, il demeure en sa compagnie. Donc, quand le feu dont nous avons parlé, n'est pas allumé dans la volonté, et qu'on ne sent pas la présence de Dieu, il nous est nécessaire de la chercher, Sa Majesté veut que nous suivions l'exemple de l'épouse des Cantiques, et, comme le dit saint Augustin dans ses méditations ou ses confessions, que nous demandions aux créatures qui les a faites, au lieu de perdre notre temps à attendre, tout hébété, ce qui nous a été donné une fois. Car, au début, il est possible qu'un an même plusieurs années, se passe sans que le Seigneur ne nous accorde rien, Sa Majesté sait pourquoi, nous n'avons pas à chercher à le savoir, c'est sans objet. Puisque les commandements et les conseils, nous montrent par quelle voie nous pouvons contenter Dieu, suivons-les fort diligemment, pensons à sa vie, à sa mort, à tout ce que nous lui devons, et vienne le reste quand le Seigneur le voudra. C'est alors que ces personnes me répondent, qu'elles ne peuvent s'arrêter à ces choses-là, et d'après ce que j'ai déjà dit, elles ont peut-être raison sous certains aspects. Vous savez que réfléchir à l'aide de l'entendement est une chose, et que la représentation de vérité, que la mémoire fait à l'entendement en est une autre. Vous vous dites, peut-être, que vous ne me comprenez pas, et il est probablement vrai que je ne sais pas m'expliquer, faute de comprendre moi-même, mais j'en parlerai comme je le pourrai. J'appelle méditation les nombreuses réflexions à l'aide de l'entendement de la manière suivante, nous commençons par penser à la grâce que Dieu nous fit en nous donnant son Fils unique, et nous n'en resterons pas là, nous irons jusqu'au mystère de toute sa glorieuse vie, ou commençons par la prière au jardin des Oliviers, notre entendement ne s'arrêtera point jusqu'à la mise en croix, ou, choisissant une scène de la Passion, disons l'arrestation, nous suivons ce mystère en considérant par le menu tout ce qu'on peut en penser et sentir, la trahison de Judas aussi bien que la fuite des apôtres, et tout le reste, c'est une admirable et très méritoire oraison. Telle est celle que l'âme a menée par Dieu aux choses surnaturelles, et à la contemplation parfaite prétend impraticable, peut-être avec raison, j'ignore pourquoi, comme je l'ai dit, mais, d'ordinaire, elle en est incapable. Elle n'a néanmoins pas raison lorsqu'elle dit, qu'elle ne s'arrête pas à ses mystères, qu'ils ne sont pas fort souvent présents à son esprit, en particulier lorsque l'Église catholique les célèbre. Il est également impossible que l'âme qui a tant reçu de Dieu, oublie des témoignages d'amour si précieux, ces vives étincelles qui l'enflammeront pour notre Seigneur d'un amour grandissant. Elle ne se comprend pas elle-même. Mais l'âme comprend plus parfaitement ces mystères. L'entendement les lui montre, et il se grave dans la mémoire de telle façon, que de voir le Seigneur prostré au jardin des Oliviers, couvert de cette effroyable sueur, lui suffit non seulement pour une heure de considération, mais pour de longs jours. L'âme voit, d'un seul regard, qui il est, elle mesure l'ampleur de haine. Autre ingratitude devant de si grandes souffrances, la volonté intervient, et même si elle ne s'attendrit point, elle désire apporter son tribut à une si grande grâce, souffrir pour celui qui a tant souffert, et autre chose semblable, qui occupe la mémoire et l'entendement. Telle est, ce me semble, la raison pour laquelle elle ne peut méditer plus longuement sur la passion, ce qui l'incline à croire qu'elle ne peut y penser. Mais si elle ne le fait pas, il est bon qu'elle cherche à le faire, et je sais que la très haute oraison ne l'en empêchera pas, je n'approuve point qu'elle ne s'y applique pas très souvent. Si, partant de là, le Seigneur la ravit en extase, à la bonne heure car, même malgré elle, il l'obligera à abandonner ce qui l'occupait. Je tiens pour certain que ce procédé n'est pas une gêne pour l'âme, il aide à atteindre la plénitude de ses biens, mais l'effort de réflexion dont j'ai parlé au début en serait une, à mon avis, celle qui a déjà obtenu de plus hautes faveurs en est incapable. C'est pourtant possible, car Dieu conduit les âmes par bien des chemins, mais qu'on ne condamne pas celles qui ne pourraient suivre celui-là, qu'on ne les juge pas inaptes à jouir des si grands bienfaits. Qu'enferment les mystères de Jésus-Christ, notre bien, et personne ne me fera admettre, si spirituel soit-il, qu'il avancera bien sur cette voie. Il est des âmes qui ont pour principe, lorsqu'elles arrivent à l'oraison de quiétude, et à goûter les régals et délices qu'accorde le Seigneur, de croire que c'est une grande chose, que de ne rien faire d'autre que de les savourer, et que c'est même le moyen d'y parvenir. Mais croyez-moi, ne vous laissez pas inhiber à ce point, comme je l'ai déjà dit ailleurs, la vie est longue, les épreuves nombreuses, et nous devons considérer comment notre modèle le Christ les a endurées, et même ses apôtres, ses saints, afin de les supporter avec perfection. C'est une bonne compagnie que celle du bon Jésus, ne nous en écartons pas, ni de sa très sainte mère, il aime beaucoup que nous compatissions à ses peines. Même si cela nous oblige parfois à renoncer à nos satisfactions et à notre bon plaisir. D'autant plus, mes filles, que les délices dans l'oraison, ne sont pas si fréquentes qu'il n'y ait du temps pour tout, celles qui prétendraient que c'est permanent, et qu'elles ne peuvent jamais faire ce qui fut dit me semblerait suspecte. Faites-le donc, tâchez de ne pas persévérer dans cette erreur, et cherchez de toutes vos forces à sortir de l'inhibition. Si vous n'y arrivez pas de vous-même, il faut le dire à la prieure, pour qu'elle vous donne un office assez absorbant pour écarter ce danger, car le danger serait grand, du moins pour le cerveau et la tête, si cet état se prolongeait. Je crois avoir fait comprendre combien il importe, si spirituel qu'on soit, de ne pas fuir les choses corporelles au point d'imaginer que la très sainte humanité elle-même nous fait du mal. On allait que le Seigneur a dit à ses disciples qu'il valait mieux qu'ils partent, Jean 16,7. Je ne puis souffrir cela. Tant et si bien qu'il ne l'a pas dit à sa mère très sainte, car elle était ferme dans sa foi, le sachant Dieu et homme, et quoiqu'elle l'aimât plus que, cette idée y aidait, si parfait était son amour. Les apôtres n'étaient sans doute pas aussi affermis dans la foi qu'ils le furent plus tard, et que nous avons raison de l'être aujourd'hui. Je vous le dis, mes filles, j'estime que c'est un chemin dangereux, le démon pourrait ainsi en arriver à vous faire perdre la dévotion au très saint sacrement. L'erreur dans laquelle je crois m'être trouvée n'alla pas jusque-là, mais je n'aimais pas à penser longuement à notre Seigneur, je préférais l'inhibition dans laquelle j'attendais ce régal. et je vis clairement que j'étais dans la mauvaise voie, dans l'impossibilité de passer toute ma vie dans ces délices, ma pensée allait de ci de là, mon âme, ce me semble, voletait comme un oiseau qui ne sait où se poser et perdait beaucoup de temps, sans progresser dans la vertu ni avancer dans la raison. Je n'en voyais pas la cause, et j'eusse été, à ce que je crois, incapable de la comprendre, puisque cela me semblait très juste, jusqu'au jour où je parlais de mon mode de raison à une personne servante de Dieu, qui m'avertit. Je vis clairement par la suite combien je me trompais, et je ne regretterai jamais assez, qu'il y ait eu un temps où j'ai omis de comprendre, ce dont une si grande perte pouvait me priver, et quand même de grands biens seraient à ma portée, je n'en veux aucun, sauf ceux que je puis acquérir de celui dont nous sont venus tous les biens. Qu'il soit loué à jamais. Amen. Chapitre 8. Comment Dieu se communique à l'âme par la vision intellectuelle, et donne quelques avis. Des effets de cette vision quand elle est vraie, et du secret qu'il faut garder sur ses faveurs. Pour que vous vous voyez plus clairement, mes sœurs, la vérité de ce que je vous ai dit, est que plus une âme progresse, plus elle vit dans la compagnie de ce bon Jésus, il conviendra de dire comment, lorsque sa majesté le veut, il nous est impossible de suivre notre chemin autrement qu'avec elle, on le voit clairement d'après les façons et manières qu'emploie sa majesté pour se communiquer à nous, et nous témoigner l'amour qu'elle nous porte par quelques admirables apparitions et visions. Au cas où Dieu vous accorderait l'une de ses faveurs, n'en soyez pas effrayés, je vais vous résumer quelques-unes de ces choses, si le Seigneur consent à ce que j'y réussisse, afin que même s'il ne nous les accorde pas personnellement, nous le louions très haut de bien vouloir se communiquer ainsi à l'une de ses créatures, lui qui a tant de majesté et de puissance. Alors que l'âme ne songe pas qu'on puisse lui accorder cette faveur que jamais elle n'a pensé mériter, il lui arrive de sentir près d'elle Jésus-Christ notre Seigneur, sans toutefois le voir ni des yeux du corps ni de ceux de l'âme. On appelle cela une vision intellectuelle, je ne sais pourquoi. La personne à qui Dieu fit cette faveur, ainsi que d'autres dont je parlerai plus avant, je l'ai vue fort ennuyée au début, elle ne comprenait pas ce qu'il en était parce qu'elle ne voyait rien, mais elle était si certaine que Jésus-Christ, notre Seigneur se montrait affectueusement à elle de cette façon qu'elle ne pouvait en douter, je dis bien qu'elle ne pouvait douter de cette vision. Elle se demandait si elle venait de Dieu ou non, et malgré les grands effets qui l'accompagnaient, et lui faisait comprendre qu'il s'agissait de Dieu, elle avait encore peur, jamais elle n'avait entendu parler de vision intellectuelle, ni songé que cela existât, mais il était très clair pour elle, que c'est ce Seigneur qui lui parla. Il fort souvent, de la manière que j'ai dite, jusqu'au jour où il lui fit cette faveur, elle n'avait jamais su qu'il lui parlait, bien qu'elle comprît les paroles. Je sais qu'effrayée par cette vision, qui se prolonge plusieurs jours, et même parfois pendant plus d'un an, contrairement à la vision imaginaire qui s'évanouit vite, elle alla trouver son confesseur, fort inquiète. Il l'interrogea, puisqu'elle ne voyait rien, comment pouvait-elle savoir que c'était notre Seigneur? Et il lui demanda quel visage il avait. Elle lui dit qu'elle n'en savait rien, qu'elle ne voyait pas de visage, qu'elle ne pouvait rien ajouter, qu'elle savait seulement qu'il lui parlait, et que ce n'était pas une idée qu'elle se faisait. Bien qu'on l'effrayât fort, il était encore très fréquent qu'elle ne puisse avoir de doute, surtout quand il lui disait, « N'aie pas peur, c'est moi. » Telle était la puissance de ces paroles qu'aucun doute ne pouvait alors subsister, elle restait vaillante et joyeuse, en si bonne compagnie, elle voyait clairement combien cela l'aidait à vivre dans l'habituelle pensée de Dieu, et la grande préoccupation de ne rien faire qui lui déplaise, car il lui semblait qu'il la regardait sans cesse. Et toujours, quand elle voulait s'adresser à sa majesté dans l'oraison, et même sans cela, Dieu lui semblait si proche qu'elle ne pouvait manquer de l'entendre, toutefois elle n'entendait pas de paroles quand elle le voulait, mais inopinément, quand c'était nécessaire. Elle sentait la présence du Seigneur à sa droite, pas à l'aide des sens qui nous font percevoir quelqu'un à côté de nous, mais par une voix plus subtile, qu'on ne doit pas pouvoir définir, aussi certaine, et qui apporte même une bien plus grande certitude, car on pourrait, ici-bas, se forger des idées, mais point en ce qui nous apporte des gains et effets intérieurs, qui seraient inconcevables s'il s'agissait de mélancolie, le démon. Lui non plus ne ferait pas tant de bien, l'âme ne vivrait pas dans une telle paix, dans le si constant désir de contenter Dieu, avec tant de mépris pour tout, ce qui ne la rapproche pas de lui. On comprit plus tard qu'il ne s'agissait pas du démon, ce fut démontré de plus en plus clair. Roman. Malgré tout, je sais qu'elle était par moments fort craintive, ou dans une immense confusion, puisqu'elle ne savait pas d'où pouvait lui venir tout ce bien. Autobiographie, chapitre 27. Comme nous ne faisons qu'une, elle et moi, rien ne se passait dans son âme que je puisse ignorer, je puis donc être un bon témoin, et vous pouvez croire que tout ce que je dis à ce propos est vrai. Cette faveur du Seigneur apporte avec elle une confusion et une humilité infinie. Si elle venait du démon, ce serait tout le contraire. Et comme, notoirement, cela vient de Dieu, nul effort humain ne pourrait nous la faire éprouver, l'âme qui la reçoit ne peut absolument pas penser que cette faveur lui appartient en propre, mais qu'elle lui est donnée par la main de Dieu. Et bien qu'à mon avis certaines des faveurs dont j'ai parlé soient plus importantes, celle-ci apporte une connaissance particulière de Dieu, il naît de cette compagnie constante, un amour infiniment tendre pour sa majesté, et, comparé à ce que j'ai déjà dit, le désir encore plus vif de se consacrer tout entière à la servir, joint à une grande limpidité de conscience, cette présence auprès d'elle rend l'âme attentive. Car bien que nous sachions que Dieu voit tout ce que nous faisons, notre nature est telle que nous négligeons d'y penser, l'âme dont nous parlons ne peut le négliger, le Seigneur qui est auprès d'elle la tient en éveil. Et les faveurs dont nous avons parlé sont même beaucoup plus fréquentes, puisque l'âme vit à peu près constamment, dans l'amour actuel de celui qu'elle voit ou sent auprès d'elle. Enfin, l'âme reconnaît au profit qu'elle obtient l'immensité de cette grâce et son très grand prix, elle est reconnaissante au Seigneur, qui la lui accorde alors qu'elle ne la mérite point, et elle ne l'échangerait contre aucun trésor ni délice du monde. Donc, quand il plaît au Seigneur de la lui retirer, elle se sent fort seule, mais toute la diligence qu'elle pourrait déployer pour retrouver cette compagnie ne lui sert guère, le Seigneur l'accorde quand il veut, on ne peut l'acquérir. Parfois, aussi, c'est la compagnie d'un saint, qui lui est également fort profitable. Vous demanderez comment on comprend quand c'est le Christ, sa mère très glorieuse, ou un saint, puisqu'on ne voit rien. L'âme ne saurait le dire, elle ne peut comprendre comment elle le comprend, mais elle en est l'immense certitude. Cela semble déjà plus facile lorsque le Seigneur parle, mais le saint qui ne parle pas, et qui paraît avoir été placé là, par le Seigneur pour aider cette âme, est plus surprenant. Il en est ainsi d'autres choses spirituelles qu'on ne saurait exprimer, mais qui nous montrent combien notre nature, est basse quand il s'agit de comprendre les grandes grandeurs de Dieu, puisque ses faveurs même nous sont incompréhensibles, reste à qui les reçoit de vivre dans l'admiration de sa majesté et sa louange, que cette âme remercie particulièrement Dieu de ses grâces, il ne les accorde pas à tout le monde. Elle doit les estimer hautement, et chercher à mieux servir Dieu, qu'il y ait de tant de façons. C'est pourquoi cette âme ne s'en privera pas davantage, elle se jugera même la personne du même onde la moins utile au service de Dieu, il lui semblera toutefois qu'elle est plus obligée que quiconque, la moindre de ses fautes lui transperce les entrailles, à bien juste titre. Ces effets produits sur l'âme, dont je viens de parler pourront aider, n'importe laquelle d'entre vous, que le Seigneur conduirait par cette voie à comprendre, qu'il ne s'agit pas d'un leurre ni d'une idée qu'elle se forgerait, car, comme je l'ai dit, je ne crois pas qu'il soit possible que cette faveur se prolonge ainsi si elle vient du démon, qu'elle soit si notoirement profitable à l'âme, et qu'elle l'amène à vivre dans une telle paix intérieure. Ça n'est pas dans ses habitudes, et même si le voulait quelqu'un de si mauvais ne peut faire tant de bien, il y aurait bientôt des fumées d'amour propre, cette âme se croirait meilleure que les autres. Tandis que la vue d'une âme toujours si fortement attachée à Dieu, qu'il occupe seule sa pensée causerait au démon, une telle rage que même s'il essayait, il ne recommencerait pas souvent, et Dieu est si fidèle qu'il ne lui permettrait pas d'en user si librement, avec l'âme qui ne prétend à rien d'autre qu'à plaire à sa majesté, à exposer sa vie pour son honneur et sa gloire, mais elle ordonnerait bientôt de la détromper. Ma marotte elle sera de dire quelles conditions que l'âme, comme je l'ai marqué ici, se conforme aux effets que ces faveurs de Dieu produisent en elle, même si sa majesté permettait parfois au démon de l'assaillir, elle lui donnera la victoire, et il sera confondu. Donc, mes filles, si l'une d'entre vous suivait ce chemin, ne vivez pas dans l'épouvante. Il est bon d'avoir des craintes, et de mieux nous tenir sur nos gardes, ne soyez pas trop confiantes, car favorisées comme vous l'êtes, vous risqueriez d'être négligentes, ce serait le signe que les faveurs ne viennent pas de Dieu, si vous ne voyez pas en vous les effets dont j'ai parlé. Il est bon que vous vous en ouvriez au début en confession à un fort bon théologien, ce sont eux qui doivent nous éclairer, ou, à défaut, à une personne de grande spiritualité, au cas où elle ne le serait point, le très bon théologien est préférable, si vous le pouvez, parler en à l'un et à l'autre. Et s'il vous disait que vous vous faites des idées, ne vous inquiétez pas, les idées ne peuvent guère faire de bien ou de mal à votre âme. Recommandez-vous à la Divine Majesté, demandez-lui de ne pas permettre qu'on vous trompe. S'il vous disait que cela vient du démon, votre épreuve sera plus grave, un bon théologien ne vous le dira pas, si les effets indiqués existent, s'il le disait, je sais que le Seigneur lui-même, qui vous accompagne, vous consolera et vous rassurera, et il donnera ses lumières aux théologiens pour qu'ils vous les transmettent. S'il s'agit de quelqu'un qui, bien comme de raison, n'est pas conduite par le Seigneur par la même voie que vous, il s'en étonnera et la condamnera. C'est pourquoi je conseille de le choisir très docte, en même temps, si possible, que d'une grande spiritualité, la prière devra vous y autoriser, car bien qu'une vie excellente montre que l'âme est en sûreté, la prière est obligée de lui permettre de s'ouvrir à quelqu'un, pour qu'elles soient rassurées toutes les deux. Quand elle aura vu ces personnes, qu'elle s'apaise et cesse de faire part de ce qui lui advient, car il arrive que sans qu'il y ait lieu d'avoir peur, le démon inspire des craintes si excessives que l'âme est persécutée et tourmentée. Autobiographie, chapitre 28. Elle croit que tout a été tenu secret, et découvre que c'est public, il s'ensuit pour elle de pénibles épreuves, qui pourrait atteindre l'or, étant donné les temps que nous vivons. Il faut donc être fort avisé, je le recommande vivement aux prieurs. Mais la prieure ne doit pas imaginer, que la sœur qui reçoit ces choses vaut mieux que les autres, le Seigneur conduit chacune d'elles de la manière qui lui semble utile. Elle la prédispose à devenir une grande servante de Dieu, si elle sait d'elle-même, mais il arrive que Dieu conduise les plus faibles dans cette voie. Il n'y a donc nul motif d'approuver ni de condamner, mais de considérer les vertus, la plus sainte de toutes sera celle qui servira notre Seigneur avec le plus de pénitence, d'humilité et de pureté de conscience, mais on ne peut guère s'en assurer ici-bas, jusqu'à ce que le véritable juge donne à chacun selon ses mérites. Nous nous étonnerons alors de voir combien son jugement diffère de nos opinions d'ici-bas. Qu'il soit loué à jamais. Amen. Chapitre 9. De la façon dont le Seigneur se communique à l'âme dans la vision imaginaire. Mise en garde, appuyée de raison, contre le désir d'emprunter cette voie. Chapitre fort profitable. Venons-en maintenant aux visions imaginaires, dont on dit que le démon peut davantage s'y immiscer, que dans celles dont nous avons parlé, ce qu'il doit être vrai, mais quand elles viennent de notre Seigneur, elles me semblent sous certains aspects plus profitables, parce que plus conformes à notre nature, à l'exception de celles que le Seigneur nous fait connaître dans la dernière demeure, aucune ne peut leur être comparée. Considérons donc, comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent, qu'il en est de ce Seigneur comme d'un objet en or dans lequel nous garderions une pierre précieuse d'immense valeur, et douée de toutes sortes de vertus, sans l'avoir jamais vue, nous avons toutefois l'absolue certitude qu'elle est là, car les vertus de la pierre ne manquent pas d'agir efficacement, si nous la portons sur nous. Sans l'avoir jamais vue, nous ne manquons pas de l'apprécier. L'expérience nous a montré qu'elle a la propriété de nous guérir de certaines maladies. Mais nous n'osons pas la regarder, nous ne pouvons pas non plus ouvrir le reliquaire, celui à qui appartient le joyau, est seul à savoir comment il s'ouvre, nous l'a prêté pour que nous en usions, mais il en a gardé la clé, il ouvrira le coffret qui lui appartient, quand il voudra nous montrer la pierre, il la reprendra même quand il le jugera bon, et ce qu'il fait. Disons tout de suite qu'il lui plaît parfois de l'ouvrir soudain pour le plus grand bien de la personne à qui il l'a prêté. Il est clair que sa joie sera bien plus grande, lorsqu'elle se rappellera la splendeur de la pierre, mieux gravée ainsi dans sa mémoire. Il en est de même ici, quand notre Seigneur consent à mieux choyer cette âme, il lui montre clairement son humanité sacrée sous un aspect de son choix, soit-elle qu'il fût dans le monde, ou après sa résurrection. Et bien que cela se produise à une vitesse que nous pourrions comparer à celle de l'éclair, cette image suprêmement glorieuse, se grave si profondément dans l'imagination que j'estime impossible qu'elle s'efface, jusqu'à ce que cette âme la voie dans le séjour où elle pourra en jouir à jamais. Je dis image, mais il s'entend que la personne qui la voit, n'a pas le sentiment qu'elle est peinte, mais vraiment vivante, et parfois, elle parle à l'âme, elle lui révèle même de grands secrets. Mais vous devez comprendre que bien que cela dure quelques instants, on ne peut pas plus regarder cette vision qu'on peut regarder le soleil, elle passe donc très rapidement. Toutefois, son éclat, comme l'éclat du soleil, ne blesse pas la vue intérieure, qui voit tout cela. Je ne saurais rien dire de la vision perçue par la vue extérieure, la personne que j'évoquais dont je puis parler si particulièrement n'est pas passée par là, et il est difficile de rendre compte exactement de ce dont on n'a pas l'expérience. Cet éclat est comme une lumière infuse, celle d'un soleil couvert de quelque chose d'extrêmement subtil, comme un diamant, si on pouvait le tailler. Son vêtement semble de toile de Hollande. Et presque toujours, lorsque Dieu fait cette faveur à l'âme, elle tombe en extase, car sa bassesse ne peut souffrir une vision aussi effrayante. Je dis effrayante, car bien qu'elle soit la plus belle, et la plus délectable qu'on puisse imaginer, même si on s'employait à y penser pendant 1000 années d'existence, elle dépasse de beaucoup tout ce que conçoivent notre imagination et notre entendement. Cette présence est d'une majesté si grandiose que l'effroi s'empare de l'âme. Nul besoin n'est de demander ici comment, elle sait qui se montre à elle sans qu'on le lui ait dit, elle reconnaît bien celui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, tandis que les rois de ce monde sembleraient bien peu de choses par eux-mêmes, si leur suite ne les accompagnait, s'ils ne disaient qui ils sont. Ô Seigneur, comme nous vous méconnaissons, nous, chrétiens. Que sera-ce le jour où vous viendrez nous juger, puisque lorsque vous venez avec tant d'amitié visiter votre épouse, votre vue cause tant de crainte? Ô mes filles, que sera-ce quand d'une voix si rigoureuse il dira, « Allez, maudit de mon père !» Matthieu 25,41. Gardons dès maintenant en mémoire, que cette faveur que Dieu fait à l'âme, n'est pas le moindre des bienfaits. Saint Jérôme, si saint qu'il fût, n'en éloignait jamais le souvenir, et si nous faisons de même, tout ce que nous pouvons souffrir ici des rigueurs de notre ordre ne nous pèsera point, même si cela dure longtemps, ce n'est qu'un moment, comparé à l'éternité. Je vous dis en vérité que si vil que je sois, je n'ai jamais eu peur des tourments de l'enfer, songeant que les damnés doivent voir plein de colère les yeux si beaux, si paisibles, si bénins du Seigneur, il me semblait que mon cœur ne pourrait le supporter, en comparaison les tourments ne m'étaient rien, il en fut ainsi toute ma vie. Combien plus grande encore doit être la crainte de la personne à qui il s'est montré ainsi, et qui éprouve un sentiment si vif qu'elle en perd le sens. Telle doit être la cause de la suspension des puissances, le Seigneur vient en aide à sa faiblesse en l'unissant à sa grandeur dans cette si haute communicatio. Haine avec Dieu. Lorsque l'âme peut regarder longuement ce Seigneur, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une vision, mais d'une sorte de véhémente considération de certaines figures forgées par l'imagination, une chose morte, en comparaison avec cette autre vision. Il est des personnes, et je sais que c'est vrai car nombreuses, sont celles qui m'en ont parlé, pas seulement trois ou quatre, dont l'imagination est si faible, l'entendement si efficace, ou je ne sais quoi, qu'elles s'abandonnent totalement à l'imagination, et croient voir clairement tout ce qu'elles pensent. Si elles avaient vu la vraie vision, elles comprendraient, sans aucun doute possible, qu'elle se leurre, car ils composent elles-mêmes ce que leur imagination évoque, sans que nul effet ne s'en suive, elles restent froides, bien plus que si elles voyaient une image pieuse. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas d'en faire cas, on l'oubliait donc beaucoup plus vite qu'un rêve. Il n'en est pas ainsi de la vision dont nous parlons. L'âme est très éloignée de l'idée de voir quelque chose, cela ne lui vient pas à l'esprit, et soudain la vision se présente tout entière, une grande crainte, une grande agitation bouleverse, toutes les puissances et les sens, mais elle les installe aussitôt dans cette paix bienheureuse. De même que lorsque saint Paul fut terrassé, AC 9,3, 4, il y eut tempête et agitation au ciel, ici, dans le monde intérieur, un grand mouvement se produit, et immédiatement, comme je l'ai dit, tout s'apaise, et cette âme est instruite de si grande vérité, qu'elle n'a plus besoin d'un autre maître, la vraie sagesse, sans travail de sa part, l'a tirée de son ignorance, et l'âme garde un certain temps la certitude que cette faveur vient de Dieu, plus on lui dirait le contraire, moins on pourrait la persuader de craindre d'avoir été trompée. Plus tard, si le confesseur lui fait peur, Dieu la livre à elle-même et la laisse dans l'hésitation, ce serait possible, vu ses péchés. Mais elle ne peut toutefois le croire, comme dans les tentations contre la foi où le démon peut agiter l'âme, qui n'en reste pas moins ferme dans sa croyance. Plus on la combat, donc, plus elle garde la certitude que le démon ne pourrait lui donner tous ses biens, et il en est ainsi, il n'a pas une telle puissance sur l'intérieur de l'âme, il peut susciter une représentation, mais jamais avec cette vérité, cette majesté, ni ses effets. Comme les confesseurs ne peuvent voir cela, ils ont peur, à juste titre, d'autant plus qu'il se peut, d'aventure, que ceux à qui Dieu accorde cette faveur ne sachent pas en parler. Ils doivent être donc sur leur garde jusqu'à ce que, avec le temps, ces apparitions montrent leurs fruits, observer peu à peu ce que l'âme, y gagne en humilité et en force dans la vertu, car s'il s'agit du démon, il se montrera bientôt à des signes évidents, on le surprendra en mille mensonges. Si le confesseur a de l'expérience, s'il est passé par là, il aura tôt fait de tout comprendre, au récit qu'on lui fera. Il comprendra immédiatement si c'est Dieu, ou l'imagination, ou le démon, en particulier si sa majesté, lui a accordé de connaître les esprits, s'il a ce don, et s'il adopte, même s'il n'a pas d'expérience il le verra très bien. Ce qui vous est fort nécessaire, mes sœurs, c'est beaucoup de simplicité et de sincérité envers votre confesseur, je ne parle pas des péchés, cela va de soi, mais du récit que vous lui faites de votre raison. À défaut, je n'affirmerai point que vous soyez en bonne voie, ni que c'est Dieu qui vous instruit, car il aime beaucoup qu'envers celui qui le représente vous soyez aussi franche, et aussi claire qu'envers lui-même, que vous ayez le même désir de lui faire comprendre toutes vos pensées, et d'autant plus vos œuvres, si petites soient-elles. Cela fait, ne soyez ni troublés, ni inquiètes, car même si ces visions ne venaient pas de Dieu, si vous avez de l'humilité et une bonne conscience, elles ne vous nuiront point. Sa Majesté s'attirait le bien du mal, et les voies par lesquelles le démon voudrait vous perdre aboutiront à vous faire beaucoup gagner. En évoquant les grandes faveurs que Dieu vous accorde, vous chercherez à mieux le contenter, et à garder son image présente à votre mémoire. Le démon, c'est, comme le disait Hanun Fordot, est un grand peintre. S'il lui montrait une image du Seigneur d'une vive ressemblance, au lieu de s'en affliger, il s'en servirait pour aviver sa dévotion, et ferait la guerre au démon en retournant contre lui sa propre malignité, car même si un peintre est un mauvais homme, ça n'est pas une raison pour manquer de révérer l'image qu'il a peinte, si elle représente notre souverain bien. Il jugeait fort sévèrement le conseil de faire les cornes que donnent certains. Il disait que partout où nous voyons notre roi, nous devons le révérer. Autobiographie, chapitre 29, je vois qu'il a raison, nous le regretterions nous-mêmes. Si une personne qui en aime bien une autre savait qu'elle outrage ainsi son portrait, cela ne lui plairait point. À plus forte raison, ne devons-nous pas toujours témoigner notre respect au crucifix quand nous le voyons, ou à n'importe quel portrait de notre empereur? Bien que j'aie déjà écrit cela ailleurs, je suis heureuse de le répéter ici, car j'ai été témoin de l'affliction d'une personne à qui on ordonnait d'employer ce moyen. Je ne sais qui l'a inventé pour tourmenter celle qui ne peut qu'obéir si un confesseur lui donne ce conseil, et qui croirait se perdre si elle ne le suivait pas. Si on vous le donnait, le mien serait que vous fassiez humblement part de ses raisons et que vous le repoussiez. Les bonnes raisons que quelqu'un m'a données, m'ont parfaitement séduit. Nu dans ce cas, l'âme gagne beaucoup à cette faveur du Seigneur, quand elle pense à lui, ou à sa vie et passion, elle se rappelle son très paisible et beau visage, c'est une immense consolation. De même nous aurions ici-bas une plus grande joie à voir une personne qui nous fait, bien que si nous ne l'avions jamais connue. Je vous le dis, un si savoureux souvenir est fort consolant et profitable. Il apporte encore d'autres et nombreux bienfaits, mais j'ai déjà tant parlé des effets de ces choses, j'en parlerai encore si souvent, que je ne veux ni me lasser ni vous lasser. Toutefois, si vous savez, ou si vous entendez dire, que Dieu accorde ses faveurs aux âmes, je vous recommande de ne jamais le supplier de vous conduire par ce chemin, et de ne point le désirer. Si bon qu'il vous paraisse, il sied de l'apprécier et de le révérer hautement. Mais il ne convient pas de le souhaiter, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un manque d'humilité de vouloir qu'on vous donne ce que jamais vous n'avez mérité. Je crois donc que celle qui le désirerait prouve qu'elle n'en a guère. L'humilité est aussi éloignée de choses semblables qu'un simple laboureur laisse du désir d'être roi. Jugeant que c'est impossible et qu'il ne le mérite point, je crois que jamais cette âme ne les obtiendrait, car le Seigneur commence par donner une grande connaissance de soi à celle qui reçoit cette faveur. Comprendra-t-elle qu'en vérité, avec de telles pensées, le fait qu'elle ne soit pas en enfer, est déjà une très grande faveur? Deuxièmement, elle est bien certaine d'être leurrée, ou en grand danger de l'être, car il suffit au démon de voir une petite porte ouverte pour nous tendre mille pièges. Troisièmement, lorsqu'une personne a un désir très vif, l'imagination lui suggère qu'elle voit ce qu'elle désire, et elle l'écoute, comme ceux qui ont envie de quelque chose, y pensent tellement le jour qu'il leur arrive d'en rêver. Quatrièmement, c'est de ma part une grande témérité, que de vouloir choisir moi-même le chemin sans savoir quel est celui qui me convient le mieux, au lieu de laisser le Seigneur, qui me connaît, me conduire par celui qui convient, et où je ferai sa volonté en toutes choses. Cinquièmement, pensez-vous que ceux qui reçoivent ces faveurs du Seigneur, n'ont guère à subir d'épreuves? Non, au contraire, elles sont immenses, et de tout genre. Que savez-vous de votre aptitude à les endurer? Sixièmement, vous pourriez perdre ainsi ce que vous aviez cru gagner, comme ce fut le cas pour Saül quand il devint roi. Enfin, mes sœurs, il y a d'autres raisons que celles-là, et croyez-moi, le plus sûr est de ne vouloir que ce que Dieu veut, il nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes, et il nous aime. Remettons-nous entre ses mains pour que sa volonté s'accomplisse en nous, nous ne pourrons errer, si nous nous en tenons toujours là, avec une volonté bien déterminée. Vous devez remarquer que du fait de recevoir un grand nombre de ses faveurs, on n'en mérite pas mieux le ciel, on est plutôt obligé à servir d'autant plus qu'on reçoit davantage. Quant à mieux acquérir des mérites, le Seigneur ne nous en empêche point, cela reste en nos mains, beaucoup de saintes personnes, donc, n'ont jamais su ce que c'est que de recevoir une de ces ferveurs, et d'autres, qui les reçoivent, ne sont pas des saintes. Ne pensez pas non plus que ces faveurs soient continuelles, mais des épreuves excessives les accompagnent, le Seigneur ne les accorderait-il qu'une seule fois, l'âme oublie donc qu'elle pourrait en recevoir d'autres pour ne songer qu'à s'acquitter. Il est vrai que ces faveurs doivent aider immensément à rehausser la perfection des vertus, mais celui qui les a gagnées au prix de son travail, acquiert beaucoup plus de mérite. Je connais une personne à qui le Seigneur avait fait quelques-unes de ces faveurs. J'en connais même deux, l'une était un homme, elle était assise et désireuse de servir ses majestés à leurs dépens, sans ses grands régals, et si avide de souffrir qu'elle se plaignait à notre Seigneur qui les leur accordait, et si elle l'avait pu, elle les aurait refusés. Je précise qu'elles auraient refusé les régals que le Seigneur donne dans la contemplation, mais pas ses visions, dont elle estimait enfin les grands avantages. Ses désirs, il est vrai, aussi, sont surnaturels, me semble-t-il, et le fait d'âmes très amoureuses, qui voudraient que le Seigneur voie, qu'elles ne le servent pas pour la solde, et comme je l'ai dit, jamais elles ne songent qu'elles doivent recevoir le ciel en échange de quoi que ce soit, ce n'est pas dans ce but qu'elles s'efforcent de mieux servir, mais pour satisfaire l'amour, dont la nature est d'agir toujours de mille manières. Si elles le pouvaient, elles chercheraient à inventer comment y consumer leur âme, et s'il leur fallait s'anéantir à jamais, pour le plus grand honneur de Dieu, elles le feraient de bon cœur. Qu'il soit loué à jamais, amen, lui, qui en s'abaissant pour communiquer avec de si misérables créatures, veut montrer sa grandeur. Chapitre 10. De plusieurs autres faveurs que Dieu accorde à l'âme par des moyens différents des précédents, et des grands avantages qu'elle en retire. Le Seigneur se communique à l'âme de beaucoup de manières dans ses apparitions, parfois, quand elle est affligée, d'autres, quand une grande épreuve l'attend, d'autres, lorsque sa majesté veut trouver en elle ses délices, et la choyer. Il n'y a pas lieu de particulariser chaque chose, mon seul but est de faire comprendre les divers aspects de cette voie, autant que je puis les connaître, afin que vous compreniez, mes sœurs, comment il se présente, et les effets qui s'ensuivent, cela, pour que nous ne nous forgions pas l'idée que toute imagination est une vision, et si c'est une vision, vous n'en serez ni agité, ni affligé, sachant que c'est possible, le démon gagne gros. À ces agitations, il lui est très agréable de voir une âme affligée et inquiète, car cela l'empêche de s'employer tout entière à aimer et louer Dieu. Sa majesté a d'autres moyens plus élevés de se communiquer aux âmes, et moins dangereux, le démon ne saurait les contrefaire, il est donc difficile d'en parler car c'est chose très occulte, alors qu'il est plus aisé de faire comprendre les visions imaginaires. Quand le Seigneur le veut, il arrive que l'âme, en raison et en pleine possession de ses sens, soit soudain ravi dans une extase où le Seigneur lui fait comprendre de grands secrets qu'elle croit voir en Dieu lui-même. Ça n'est pas une vision de la très sainte humanité, et même, bien que je dise qu'elle voit, elle ne voit rien, ça n'est pas une vision imaginaire, mais tout intellectuelle, où elle découvre comment on voit toutes choses en Dieu, qui les contient toutes en lui. Cette vision est d'un grand profit, car bien qu'elle ne dure qu'un instant, Elle se grave profondément, et cause une immense confusion. On voit clairement qu'il est inique d'offenser Dieu puisque c'est en Dieu même, je dis bien contenu en lui, que nous commettons nos grandes iniquités. Je vais m'aider d'une comparaison pour vous aider à comprendre, car bien qu'il en soit ainsi, et que nous en entendions souvent parler, nous n'y prenons pas garde, ou nous ne voulons pas comprendre, car si nous comprenions ce qui en est, il nous serait fait, semble-t-il, impossible d'être aussi outre-tuidant. Considérons donc que Dieu est comme une demeure, ou comme un palais, très grand et très beau, et que ce palais, comme je le dis, est Dieu lui-même. Le pécheur peut-il, d'aventure, pour se livrer à ses malignités, s'éloigner de ce palais? Non, certes, c'est-à-dire que dans le palais même, en Dieu lui-même, se donnent cours les abominations, les malhonnêtetés et méchancetés que nous commettons, nous, pécheurs. Aux choses redoutables et dignes de grande considération, elle nous est bien utile, à nous qui savons peu de choses et qui n'arrivons pas à comprendre ces vérités, car une folle outrecuidance nous devient impossible. Considérons, mes sœurs, la grande miséricorde et la patience, dont Dieu fait preuve en ne nous confondant pas sur le champ, rendons-lui d'immenses grâces, ayons honte de ressentir ce qu'on peut faire ou dire contre nous, la plus grande iniquité au monde, c'est de voir tout ce que Dieu notre Créateur souffre lui-même de la part de ses créatures, alors que souvent nous gardons grief d'un maudit. C'est en notre absence, peut-être même sans mauvaise intention. Ô misère humaine! Quand donc, mes filles, imiterons-nous un peu ce grand Dieu? Oh, ne nous figurons pas que ce soit quelque chose de souffrir les injures, mais passons sur tout cela de bien bon cœur, et aimons celui qui nous insulte, car ce grand Dieu n'a pas cessé de nous aimer, nous, qui pourtant l'avons beaucoup offense, il a donc bien raison de vouloir que tout le monde pardonne, si grave que soit l'injure. Je vous le dis, mes filles, bien que cette vision passe vite, l'âme à qui notre Seigneur l'accorde, reçoit une grande faveur si elle veut en tirer profit, et cela rappelle constamment. Il arrive aussi, soudain, par un procédé qu'on ne saurait décrire, que Dieu montre en lui-même une vérité qui semble obscurcir tout ce qu'on trouve de vérité dans les créatures, et qui fait clairement entendre qu'il est, lui seul, la vérité qui ne peut mentir, et l'on comprend ce que dit David dans un psaume, que tout homme est menteur, PS 64,11, ce qu'on admettrait. Jamais autrement, même si on l'entendait répéter souvent. Il est la vérité infaillible. Je me rappelle Pilate, les nombreuses questions qu'il posait à notre Seigneur pendant sa passion, lui demandant ce qu'est la vérité, Jean 18,38, combien nous comprenons mal, ici-bas, cette vérité suprême. Je voudrais pouvoir mieux vous faire entendre cet aspect, mais on ne peut en parler. Déduisons de cela, mes sœurs, qu'afin d'imiter moindrement notre Dieu époux, il sera bon de beaucoup nous exercer à vivre dans cette vérité. Je ne dis pas seulement que nous ne devons pas mentir, car, gloire à Dieu, je sais que dans ces maisons vous vous gardez bien de dire un mensonge pour rien du monde, mais vivons dans la vérité devant Dieu et les gens, de toutes les façons possibles, en particulier, en n'admettant pas qu'on nous tienne pour meilleur que nous le sommes, en rendant à Dieu ce qui lui revient de nos œuvres, en gardant pour nous ce qui est à nous. Et en cherchant à toujours faire ressortir la vérité, ainsi, nous mépriserons ce monde, qui n'est que mensonge et fausseté, et qui, comme tel, ne peut durer. Un jour où je me demandais pour quelle raison, notre Seigneur aime tant cette vertu d'humilité, sans réflexion préalable ce me semble, ceci, soudain, me parut évident. Dieu est la suprême vérité, et l'humilité, c'est être dans la vérité, en voici une fort grande, nous n'avons de nous-mêmes rien de bon, nous ne sommes que misère, et néant, quiconque ne comprend pas cela vit dans le mensonge. Plus on le comprend, plus on est agréable à la suprême vérité, car on vit en elle. Plaise à Dieu, mes sœurs, de nous faire la grâce de ne jamais, nous écarter de cette connaissance de nous-mêmes. Amen. Ces grâces, notre Seigneur les accorde à l'âme, comme à sa véritable épouse, puisqu'elle est déjà décidée à accomplir en toute chose sa volonté, il veut lui donner un aperçu de la manière dont elle doit s'y soumettre, et de ses grandeurs. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus, j'ai parlé de ces deux choses parce que je les crois d'un grand profit, nous n'avons pas à craindre ces choses-là, mais à louer le Seigneur qui les donne, ni le démon, à mon avis, ni l'imagination, ne peuvent guère intervenir ici, l'âme reste donc dans une grande satisfaction. Chapitre 11. Du désir que Dieu donnait l'âme de jouir de lui, désir si puissant, si impétueux, qu'on est en danger de perdre la vie. Du profit que l'âme tire de cette faveur du Seigneur. Toutes ces faveurs accordées à l'âme par l'époux, ont-elles suffi pour que le petit papillon soit satisfait? Ne croyez pas que je l'ai oublié, et qu'il se pose là où il doit mourir? Non, certes, il va plutôt beaucoup plus mal. Bien que l'âme reçoive ses faveurs depuis de longues années, elle ne cesse de gémir et de pleurer, chacune d'elles accroît son chagrin. La cause en est qu'à mesure qu'elle connaît mieux les grandeurs de son Dieu, qu'elle se voit séparée de lui, et fort éloignée d'en jouir, son désir s'accroît d'autant, son amour grandit aussi à mesure qu'on lui découvre combien ce grand Dieu et Seigneur mérite d'être aimé, au cours des années, ce désir grandit de telle sorte, qu'elle en arrive à éprouver la si grande peine dont je vais parler. J'ai dit des années, car ce fut le cas pour la personne dont j'ai fait mention, mais j'entends bien qu'on ne saurait imposer un délai à Dieu, il peut en un instant amener une âme au plus haut des états évoqués ici. Sa Majesté a la puissance de faire tout ce qu'elle veut, et elle soumet de faire beaucoup pour nous. Il est toutefois des moments où ses violentes aspirations, ses larmes, ses soupirs, les grands élans déjà décrits, ils semblent provenir tous de notre amour accompagné de vifs regrets, mais tout cela n'est rien auprès de l'autre sentiment, ils font songer à un feu qui fume, mais dont on peut s'accommoder, avec un peu de peine, font vivre cette âme dans un état, tel qu'elle semble s'embraser elle-même, et il arrive souvent qu'une rapide pensée, un mot qui lui rappelle que la mort est lointaine, s'accompagne, venue d'ailleurs, on ne comprend ni d'où, ni comment, d'un choc, ou de l'atteinte d'une flèche de feu. Je ne dis pas que ce soit une flèche, mais quoi qu'il en soit, on voit clairement que cela ne nous est pas naturel. Ça n'est pas non plus un choc, bien que je dise choc, cela blesse avec plus d'acuité. On ne sent pas cette blessure là où se sentent les peines d'ici-bas, ce me semble, mais au plus profond et intime de l'âme, là, cette douleur aiguë, qui passe soudain, réduit en poussière tout ce qu'elle trouve en nous de terrestre et de naturel, et à ce moment il nous est impossible de nous rappeler, quoi que ce soit de notre être, à l'instant, les puissances sont ligotées, elles n'ont plus aucune liberté, sauf celle d'accroître cette douleur. Je ne voudrais pas paraître exagéré, alors que je suis vraiment loin de compte, car c'est inexprimable. C'est un ravissement des sens et des puissances, il englobe tout ce qui n'est pas, comme je l'ai dit, à ressentir cette affliction. L'entendement a très promet comprendre les raisons qu'a cette âme de déplorer son éloignement de Dieu, sa Majesté y contribue alors, par une si vive connaissance de soi, la peine s'en accroît à un tel degré, que la personne qui l'éprouve se met à pousser de grands cris. Bien qu'elle soit dure à la douleur, et accoutumée aux plus vives souffrances, elle ne peut plus résister, car elle ne souffre pas dans son corps, comme je l'ai dit, mais à l'intérieur de l'âme. Elle en a déduit que les souffrances de l'âme sont bien plus dures que celles du corps, et il lui est apparu qu'on souffre ainsi au purgatoire. L'absence d'un corps n'empêche pas ces âmes de souffrir bien davantage que ne souffrent tous ceux d'ici-bas, qui en ont un. J'ai vu une personne dans cet état, et j'ai vraiment cru qu'elle allait mourir, ça n'était pas étonnant, car, certes, le danger de mort est grand. Cet état, si bref soit-il, désarticule le corps, Le pour est aussi faible que si la personne voulait rendre son âme à Dieu, et elle n'en est pas loin, la chaleur naturelle fait défaut, mais l'embrasement est tel qu'il s'en faut d'un petit peu, pour que Dieu accomplisse ce vœu. Elle ne souffre toutefois ni peu ni prou dans son corps, bien qu'il se désarticule, comme je l'ai dit, de telle sorte que 2 ou 3 jours après elle n'a pas encore la force d'écrire, et elle reste tout endolorie, il me semble même que le corps demeure fort affaibli. Si elle ne s'en ressent pas, c'est sans doute que la souffrance intérieure de l'âme est si prépondérante qu'elle ne fait aucun cas de son corps. Ainsi, lorsque nous sentons à un point quelconque une douleur très aiguë, les autres, même si elles sont très nombreuses, sont peu sensibles, je l'ai souvent éprouvé. Dans ce cas, si, ni peu, ni prou, je crois même qu'elle ne sentirait rien si on la coupait en morceaux. Vous me direz que c'est une imperfection, qu'elle n'a qu'à se conformer à la volonté de Dieu, puisqu'elle lui est si soumise. Elle a pu le faire jusqu'ici, et c'est ce qui l'a aidé à vivre. Mais il n'en est plus de même maintenant, sa raison est dans un tel état qu'elle n'est plus la maîtresse, elle ne peut penser à rien d'autre qu'à ses raisons de souffrir, éloignée de son bien, elle se demande pourquoi elle voudra vivre. Elle éprouve un étrange sentiment de solitude, aucune des créatures qui sont sur terre ne peut lui tenir compagnie, ni celle du ciel. À ce que je crois, si ce n'est celui qu'elle aime, et tout lui est tourment. Elle se figure être comme quelqu'un de suspendu, qui ne peut s'appuyer nulle part sur terre, ni monter au ciel, la soif l'embrase, et elle ne peut approcher de l'eau. Cette soif n'est pas supportable, mais si excessive qu'il n'est eau pour l'étancher, et elle ne veut pas l'étancher, si ce n'est avec celle dont notre Seigneur a parlé à la Samaritaine, Jean 4,7, 13, mais on ne la lui donne point. Ô Dieu secourable, Seigneur, comme vous oppressez vos amants. Mais tout cela n'est rien, en échange de ce que vous leur donnez par la suite. Il est bon que ce qui vaut beaucoup coûte beaucoup. D'autant plus que s'il s'agit de purifier cette âme, pour qu'elle entre dans la 7e demeure, de même que ceux qui vont entrer au ciel se lèvent au purgatoire, cette souffrance est à peine une goutte d'eau dans la mer. D'autant plus que malgré tout ce tourment et ces afflictions, qui surpassent, à ce que je crois, toutes les souffrances de la terre, la personne dont je parle en a subi beaucoup, tant corporelle que spirituelle, mais en comparaison tout cela ne lui semble rien, l'âme estime cette peine à un si haut prix, qu'elle comprend fort bien ne pouvoir la mériter, ce sentiment n'est pas de nature à la soulager. Mais il aide à souffrir de grand cœur, et elle souffrirait toute sa vie, si tel était le bon plaisir de Dieu, ce ne serait cependant pas mourir une fois, mais toujours vivre en mourant, vraiment, R. Il aime de moins. Considérons donc, mes sœurs, ceux qui sont en enfer, privés de cette acceptation, ce contentement, ce plaisir que Dieu donne à l'âme, ils savent qu'ils ne gagnent rien à leur souffrance, qu'ils souffriront toujours de plus en plus, je dis de plus en plus, quant aux peines accidentelles. Les tourments de l'âme étant tellement plus durs que ceux du corps, et ceux des damnés bien pires, en comparaison, que le tourment dont nous avons parlé, puisqu'ils voient qu'ils dureront toute l'éternité, que peut-il advenir de ces âmes infortunées? Et au cours de notre vie si brève, que ne pouvons-nous faire, ou souffrir, qui ne soit infime, pour nous épargner ces terribles tourments éternels? Je vous le dis, il est impossible de faire comprendre combien la souffrance de l'âme est aiguë, combien elle diffère de celle du corps, à ceux qui n'en ont pas l'expérience. Le Seigneur lui-même veut que nous le comprenions, pour que nous sachions mieux combien nous lui sommes redevables de nous avoir appelés à un état où nous avons. N'est-ce l'espoir qui nous délivrera, dans sa miséricorde, et qui nous pardonnera nos péchés. Pour en revenir à notre sujet, nous avons laissé cet âme bien en peine, l'extrême rigueur de sa souffrance est brève, si elle se prolongeait, la faiblesse naturelle ne pourrait la supporter, sauf par miracle. Il est arrivé à la personne, dont je parle d'être réduite en miettes en un peu plus d'un quart d'heure. Il est vrai qu'elle avait complètement perdu l'essence cette fois-là, tant le coup avait été rigoureux, alors qu'elle était en conversation, le dernier jour des fêtes de Pâques, et qu'elle vivait depuis le samedi saint dans une telle sécheresse, qu'elle comprenait à peine ce qu'il en était. Il lui avait suffi d'entendre un mot sur la longue durée de la vie, c'est en entendant chanter la sœur Isabelle de Jésus que Sainte Thérèse tomba en extase, en 1571, à Salamanque. Comment imaginer qu'on puisse opposer de la résistance? C'est impossible, de même qu'une personne jetée au feu, ne pourrait faire qu'il ne soit pas chaud, et ne la brûle point. Ce n'est pas un sentiment qu'elle puisse dissimuler, et empêcher les témoins de comprendre qu'elle court un grand danger, bien qu'ils ne puissent juger du mouvement intérieur. Ils lui tiennent toutefois compagnie, comme des ombres, et c'est ainsi qu'elle voit toutes les choses de la terre. Et pour que vous sachiez qu'il est possible à notre faiblesse et à notre naturel d'intervenir, au cas où vous vous trouviez dans cette situation, il arrive parfois, tandis que l'aimait dans l'état que j'ai décrit, mourant de ne pas mourir, si oppressé qu'il lui semble, qu'il s'en faut d'un rien pour qu'elle quitte le corps, elle voudrait, prise vraiment de peur, que la peine se relâche pour ne pas achever de mourir. On voit bien que cette crainte est une faiblesse de la nature, puisque d'autre part son désir ne la lâche point, et qu'il lui est impossible d'être délivré de sa peine, tant que le Seigneur ne la lui ôte lui-même, généralement par une haute extase, ou par une vision, où le vrai consolateur la console, et la fortifie pour qu'elle consente à vivre aussi longtemps qu'il le voudra. C'est chose pénible, mais elle produit dans l'âme d'immenses effets, ainsi l'âme cesse de craindre les épreuves possibles, comparée à ses vives souffrances, cela ne lui semble plus rien. Elle a tant progressé qu'elle voudrait les subir souvent. Mais là encore elle est absolument sans ressources, il n'existe aucun moyen de retrouver sa peine, tant que le Seigneur n'en a pas décidé, de même qu'il n'y en a point pour lui résister, ou échapper quand elle fond sur elle. Il lui reste un plus grand mépris du monde, car rien de terrestre ne l'a secouru dans ce tourment, elle est d'autant plus détachée des créatures, qu'elle voit que son Créateur est seul à pouvoir la consoler et combler son âme, enfin, elle vit dans une plus grande crainte, un plus grand souci de ne pas l'offenser, sachant qu'il peut aussi bien tourmenter que consoler. Dans cette voie spirituelle, deux choses, me semble-t-il, sont un danger mortel. J'ai dit la première qui est un danger réel, et non des moindres, l'autre, c'est un bonheur et une délectation si excessifs, poussés à de tels extrêmes, que l'amant défaille au point qu'il s'en faut un rien pour qu'elle quitte le corps, à la vérité, ce ne serait pas pour elle une petite joie. Vous jugerez par là, mes sœurs, si j'ai eu raison de vous dire qu'il faut du courage, et si, lorsque vous demandez ces choses-là au Seigneur, il est fondé de vous répondre comme au fils de Zébédée, pouvez-vous boire le calice? Matthieu. Nous toutes, mes sœurs, répondrons oui, je le crois, et nous aurons bien raison, Sa Majesté donne des forces aux âmes qui en ont besoin, elle les défend toujours, elle répond d'elles dans les persécutions, et les soutient contre la médisance, comme le Seigneur le fit pour Madeleine, si ce n'est en parole, par des actes, et enfin, dès avant la mort, elle paie tout à la fois, comme vous le verrez tout à l'heure. Qu'il soit béni à jamais, et loué par toutes les créatures. Amen.